211. Numéro 211. Pour moi, chrétien, la terre est un exil. Ah, c'est chanté ça. Numéro 211 dans le chant des victoires. Vous y sommes? Oui. Pour moi, chrétien, la terre est un exil, mais tout est bien, mais tout est bien. Il faut marcher de péril en péril, mais tout est bien, mais tout est bien. Pourquoi les pleurs, la terreur ou l'ennui? Christ est à moi demain comme aujourd'hui. Au ciel bientôt, je serai tout à lui. L'âme travaille de tristesse ici-bas, mais tout est bien, mais tout est bien. Le carnage approche à chaque pas, oui, tout est bien, oui, tout est bien. En vain le monde et son charme trompeur, dans ses liens, vous bénisse. Mmh. On parle dernier cantique, on va t'asseoir. Oui, frère. 37. Pardon? 37. Numéro 37. C'est quoi le titre, frère Guy? Dans les cieux, sur la terre, Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Que Dieu vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Vous sentez bien, saluer quelqu'un à gauche, à droite, devant, derrière. Si la personne qui se trouve devant toi est assez loin, tu pars loin, la saluer. C'est-à-dire en clair, saluez-vous les uns les autres. C'est-à-dire que faites l'effort de vous lever pour saluer les uns les autres. Saluez-vous les uns les autres. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Ça va, mon cher frère, eh bien, que Dieu te bénisse. Comme les femmes sont fatiguées, ça s'aille. Elles veulent que les hommes soient galants. Papa Tani aussi. Il a dit que lui-même, il a trop marché aujourd'hui. Ça va, mon cher? Ça va? Ah, bon, on arrive. Ça va? Daniel, tu m'as gardé, tu vas me donner aujourd'hui, non? Tu m'as dit que tu m'as gardé, non? Ça va? Ça va, mon cher? Daniel, lève-toi. Ça va, ma chère? Y a-t-il des questions? Vous savez, j'ai imaginé, j'étais de le regarder à l'heure. Il était de vous dire, je suis sûr qu'il avait dit, je suis leur question, il va le voir. Et il a fait exactement la même chose. Y a-t-il des questions? Je connais mes gens qui ont des questions ici. Allons-y, première question. Oui, ma première question est la suivante. Y a-t-il... Je t'ai vu. Mm-hmm. Je t'ai vu. Mm-hmm. Pose ta question déjà. Quelle est la différence entre... Parce que je me rends compte qu'il y a trois baptêmes. Non, il y a cinq. Ok. Il y a trois personnes baptisées que j'ai... Pour le moment, je connais. Ouais. Il y a... Quand on aspire, je me souhaite de quelqu'un. Non, ça, c'est pas le baptême. Non, ok. Ok, tu ou bien c'est comme pratique. Oui, c'est comme pratique. Ok, vas-y, voilà. Ok, voilà le premier. Le deuxième, c'est... Deux personnes, ils arrêtent une personne, ils plongent. Mm-hmm. Bon, maintenant le deuxième baptême, c'est une personne qui le plonge. Ah, c'est le troisième déjà. Oui. Parce que tu as dit qu'il y a ce qu'on met sur la tête. Maintenant, il y a comme plutôt un quatrième qui est le plus important. C'est pour ça que tu vas arriver à 5 bientôt. Le quatrième qui est le plus important, c'est pourquoi baptiser dans la piscine? Qui ça? Tu parles donc, de le baptême de la piscine et le baptême de la rivière, c'est même chose ou c'est différent? Parce que après ces trois questions. Bon, on va récapituler. Quelle est la question? Bon. Parce que j'avais fait la remarque qu'il y a... La première question, c'est ce sont les trois personnes baptisées là. Oui. La deuxième question maintenant, c'est la différence qu'il y a entre baptiser à la piscine, c'est-à-dire plonger, il y a une piscine, mm-hmm. on plonge les gens à l'intérieur oui. pour baptiser, mm-hmm. et or, il y a aussi les rivières qui coulent, oui. et on baptise d'autres. Tu as vu quelqu'un baptiser à la piscine comme ça? Plusieurs fois. Tu les as vus? Plusieurs fois. Ok. Mm-hmm. Bon, mais je te pose la question, pourquoi tu n'es pas allé lui poser la question? Pourquoi tu n'es pas allé lui poser la question? Parce que tu as vu ça plusieurs fois. Tu viens, tu lui laisses. Tu viens me poser la question à moi. Bon, quand j'ai vu cela, oui. je me suis d'abord posé à moi la question de savoir pourquoi baptiser dans la piscine. Tu es arrivé à quelle réponse? La réponse que je suis arrivé dessus, c'est parce que, bon, Jésus étant juste quand Jean-Baptiste se baptisait, bien non, non, suis. Quand tu as observé ça, tu dis que tu t'es toi-même posé la question. Mm-hmm. Et quand tu as posé cette question-là, tu es arrivé à quelle réponse? Je me suis dit, je dans la Bible, non? Oui, et dans la Bible, tu as trouvé. Il m'a raconté que tu passes dans Jean où les disciples de Jean-Baptiste discutaient avec. C'était avec les qui disaient que beaucoup de gens vont vers, avec Jean-Louis, mais beaucoup de gens vont vers Jésus qui passait baptisé, parce qu'il y avait beaucoup de cours d'eau, beaucoup d'eau, mm-hmm. pour pouvoir baptiser, mais ce n'est pas Jésus qui baptisait le mystère, c'est le disciple qui baptisait. Mm-hmm. Or, il y avait la piscine, il y avait les piscines mm-hmm. qui étaient là. Et eux, ils ne baptisaient pas là-bas. Ils ne baptisaient pas aux piscines. Okay. Mais ils baptisaient au contraire là où l'eau. Donc, quand tu as réfléchi, ton cœur t'a envoyé dans la Bible et tu as vu ça. Oui. Bon, finalement, pourquoi entre les deux? Je ne sais pas. Lesquels deux? Différentes. C'est, non, ce que tu as vu et ce qu'il y a dans le bas de la Bible. Oui. Bon, lequel est correct? Non, bon, est-ce qu'il y a un qui est correct? Donc, ça veut dire que cela, c'est comment? C'est pas conforme. Ok, si c'est pas conforme, on fait comment? Corriger. On met de côté, parce que c'est ça qui est plus important. Donc, il faut prendre l'enseignement qu'on a fait en France sur corriger vos faux baptêmes. On en a parlé. Okay. D'accord? Il y a des gens qui se baptisent dans la baignoire. Oui. Et la première question n'est pas venue. Quelle est la première question? La différence des projets de trois baptêmes. Comme il y a peut-être deux personnes. La Bible déclare qu'il n'y a qu'un seul baptême. Oui, nous sommes peut-être à deux. Même si vous êtes à sept pour baptiser, vous baptisez, on plonge, il n'y a pas de problème. Pas de problème. Oui. On te plonge, il y a un problème. Non. Quand tu as plongé, tu voulais te noyer. C'est pas comme plonger. C'est comme d'abord frère en route. Quand tu as baptisé. Tu avais peur, n'est-ce pas? Non, c'est quand le pasteur me dit en route qu'il a vu une série de où. Il y a un pasteur qui baptisait, il baptise la première personne, il sort. La première personne, il sort. La première personne qui baptise, la personne calme les dents. Il dit que Dieu a poursuivi la route suivante. Il dit que moi, il dit que ah, si c'est la route du Seigneur, je passe, moi j'ai les dents. Mm-hmm. Mais combien de personnes t'ont baptisé alors? Non, c'est une seule. Mais, ça veut dire que ça fait quatre baptêmes déjà. Parce que là, il y a le cas où c'est une seule personne qui baptise. Oui. Et le cas où, maintenant, où c'est deux personnes qui baptisent. Oui. Le cas, il y a même le cas où on baptise trois fois par derrière, deux fois par devant. Le cas où on plonge chaque fois, on baptise trois fois. Le première fois pour le Père, la deuxième fois pour le Fils, la troisième fois pour le Saint-Esprit. Puis maintenant, l'autre moment, on verse sur la tête. Oui. Mais qu'est-ce que la Bible, elle dit? Si toi, tu veux baptiser, tu vas baptiser comment? Par le nom de Jésus. Et tu fais comment? Je plonge. Voilà. C'est simple. C'est pas ce que la Bible dit. C'est ça. Voilà. Mais moi j'ai une question à te poser. Oui. Pourquoi tu vois toutes ces personnes faire ça? Et tu as dit que tu as fait ça plusieurs fois. Tu les laisses, tu veux me poser la question à moi? Non, à ce moment, je n'étais pas encore. Il peut dire que j'étais avec eux. Par rapport à mon niveau de foi aujourd'hui, oui. Et ma connaissance, oui. Par rapport au concernant d'enseignement, oui. Était encore trop novice en arrière. Donc, okay. De sorte que quand j'étais devant un serviteur de Dieu, j'avais peur de l'adresser la parole pour certaines questions. Mm-hmm. Bon, la prochaine fois, quand tu vas le voir maintenant, tu es prêt maintenant à les affronter, non? Ah, oui, ça, c'est ça. Oui. Donc, il faut les poser la question. Des questions? Oui, mon cher. Bonsoir, frère. Bonsoir, que Dieu te bénisse. Amen. Frère, avant de poser ma question, j'aimerais lire quatre textes pour nous situer déjà. Situe-nous, frère. Donc, je vous ouvre d'abord dans Jérémie chapitre 6. Ça ne serait pas mieux que le prophète s'assoie ici, on le voit bien. Tu es bien là-bas derrière maman, viens, viens t'asseoir là-bas. Comme ça, oui, assieds-toi ici. On te voit très bien. Quatre questions. Bon, tu as dit que tu as combien? Quatre textes. Quatre textes. Oui, vérifie d'abord si d'autres ont une question rapidement. Oui, tu as une question? Oui, c'était par rapport au baptême là. Oui. Je voulais savoir si on est malade. Oui. On est agonisant. Oui. On veut se baptiser. Non, si tu dis que tu es malade, ça veut dire que tu es conscient que tu es malade. Tu es agonisant, ça veut dire que tu es conscient que tu es agonisant et que tu veux encore te baptiser, c'est qu'on va te baptiser. Par exemple, ça peut être un frère. Mm-hmm. Non, je t'en dis ici. Si tu es malade et tu es agonisant et tu as dit que et tu veux te baptiser, si tu veux te baptiser, on te baptise. Si tu mets une fois derrière là-bas, c'est que c'est le Seigneur qui a pris l'autre là, non? C'est pas ce que tu as dit. Si on le baptise. Il dit pas que c'est ce que j'ai dit. C'est ce que tu as dit que le pasteur a dit ça. Oui. C'est toi qui nous as rapporté ça ici. Donc si on baptise quelqu'un qui est agonisant, c'est que c'est la meilleure façon de mourir. Il y a quelqu'un qui est mort à la croix directement, il entre au paradis. Celui-ci, il ne meurt pas étant bandit, il meurt étant baptisé. N'est-ce pas, mon cher? Des questions? Oui. J'ai la question que vous avez dit, qui est très répétitive. Moi, ça me trouble beaucoup parce que au niveau de Dakar là-bas. Il y a une sœur qui a eu. Il y a une sœur qui a eu affaire, peut-être, bon, je ne sais pas si c'est bien ou c'est pas bien. Elle s'est séparée avec son mari. La question qu'il voulait poser est la suivante. Ça lui concerne, ça me concerne parce que j'étais beaucoup touché mm-hmm. par cet acte-là. Oui. Bon, la sœur, elle avait son mari, elle a connu, elle était vieille à son mari. Elle avait eu un premier mari. Si on ne sait pas, ils ont fait 4 enfants. Après, maintenant, un deuxième mari avec qui ils ont fait 5 enfants. C'est bon de moi. Ça fait 9. Ça va peut-être 10 enfants. Hein. Mm-hmm. Oui. Bon, en temps, un est décédé. Bon. Maintenant, pendant qu'elle a cru dans la position avec son mari, mmh. et son mari ne veut pas aller rencontrer ses parents. Mmh. Son mari dit catégoriquement qu'il ne veut même pas. L'enfant même décédé, elle partait avec elle, dit que bon, j'ai une occasion que puisse rencontrer les parents. Il n'a pas voulu cela. L'enfant, le deuxième mari avec qui ils ont 5 enfants. Oui, mmh. Quand il était décédé. Mmh. Bon. Maintenant, quand j'ai écouté vos enseignements où vous avez fait comprendre que, où tu as fait comprendre que quand une femme rencontre son mari dans son, dans, disons son ami avec qui ils habitent ensemble. Dis ce que j'ai dit. Hein. Je suis en train de dire ce que j'ai écouté. Je vais encore réécouter. Parce que les gens sont, les gens qui ont écouté. J'ai dit ce que j'ai écouté. Que j'ai dit que les gens se rencontrent son mari, son ami. J'ai dit ce que j'ai un exemple de prendre, non. Pas t'en suivez-le. Hein. Si je suis avec une femme, oui. Un exemple, c'est avec une femme. Mmh. Hein, nous habitons ensemble dans le même toit. Oui. Hein, j'ai pas encore rencontré ses parents, rien, rien vu ce qu'on a fait dans le mois de concubinage. Oui. Bon, les deux ont bien fait ensemble, comme on dit souvent. Mmh. Bon, maintenant je crois. Mmh. Maintenant dès que je crois, maintenant la condition qui est maintenant là, c'est qu'il faut que je parte voir, par exemple, l'homme, il parte voir mes parents. Mmh. Bon, c'est vraiment cru, que l'homme n'a pas cru. L'homme dit carrément que je n'ai pas à voir tes parents. Mmh. Dans ce cas-là, l'homme dit se séparer ou doit-il toujours rester ensemble? C'est la question que je veux poser. Non, va, reviens sur le plan de la femme de Dakar dont tu parlais, c'est là où tu étais. C'est ça que j'ai envie de passer. C'est... Qu'est-ce que la soeur a fait? Bon, maintenant la soeur, bon, le frère Paul est parti lui rencontrer, lui présenter la parole, lui parler. Fait remarquer que normalement, il a pu rester ensemble. Son mari, il veut pas les rencontrer. Donc, stoppons là-bas, c'est là où il va arriver. Donc, il y a un Paul qui est venu voir cette femme dans son foyer. Oui. Il lui a dit que. Cette soeur, parce qu'on est ensemble. Elle, était déjà, elle avait déjà cru. Elle a cru. Donc, attends, je vais aller doucement. Mm-hmm. Avant que le garçon ne vienne lui prêcher l'évangile, mm-hmm. elle, avait dit, elle était derrière une soeur. Elle était derrière une soeur. On lui prêche donc quel évangile pour qu'elle croit? Non, pas qu'on lui prêche l'évangile, mais c'est mal exhorter, c'est selon ton foyer, par rapport à ton foyer. Ok. Par la vie qu'elle mène dans ton foyer. Mm-hmm. C'est par rapport à... Donc, dans son foyer, elle a cinq enfants avec son mari. Oui. Et donc celui-là vient lui dire quoi à cette femme-là? Son mec séparé des chambres. Pardon? Donc son mec séparé des chambres. Donc c'est ce que le garçon lui a dit. Uh-huh. C'est ce que Paul là est venu lui dire. Oui. Il lui a dit que quel est le test biblique qui le dit? Que quoi? Que Dieu s'est séparé dans les chambres. C'est la question que moi je suis en train de poser. Parce non, non, moi, c'est quoi le problème? Que... c'est que. C'est qu'une fois que tu as laissé. Tu connais le frère là, non? Oui, je connais le frère Paul, non? Bon, tu l'as laissé. Avec lui, on a posé, mais tu comprends ceci là. Oui. Hein? Oui. En temps normal, dans la Bible, oui. Il n'y a pas un passage où hein, oui. Quelqu'un s'est marié oui. sans douter la femme. Bon, il t'a montré quoi? Moi, par exemple, dans le mariage d'Isaac. Vraiment, hein? Exactement. Oui. Et quand elle a dit ça, tu as compris que c'est la dot là-bas. Si, c'est dans le poser de questions parce que je suis troublé. Ok, et quand tu as suivi l'enseignement, comme tu as dit que j'ai dit là. L'enseignement que j'ai suivi, c'est que aujourd'hui, oui. si par exemple je suis avec une fille, oui. qui vit dans le même toit, oui. d'avoir des enfants, et que je n'ai pas encore douté, oui. que je parle que ses parents ne connaissent pas rien, oui. et que c'est qu'en temps normal et que je crois, mm-hmm. hein, mm-hmm. c'est que normalement la femme et moi, déjà devant nous sommes mariés, mm-hmm. qu'il faut que nous partons. Que je puisse même pas pouvoir partir doter cette fille, n'est-ce pas? C'est moi qui ai dit ça. Hein? Non. Vous avez vu de façon unanime, les gens ont dit que c'est pas ce qu'il dit. Et tu as dit, c'est avec serment, en conjurant, en faisant oui. les imprécations de ta tête, mm-hmm. que c'est ce que tu as entendu et c'est le seul mot que tu as dit. C'est simple, je peux toujours copier ça, je viens avec. Vous comprenez? Pour les donner, pour que chacun puisse comprendre que c'est moi qui ai dit ça. Pour les comprendre. Parce que le problème, c'est que mm-hmm. si je pose cette question, n'est-ce pas? Mm-hmm. Parce que je suis troublé. Bon, il y a six parties sur le mariage. Oui. Il faut aller écouter d'abord, parce que toi, tu es troublé. Et pour la roule, n'en parlons pas. Et voilà un foyer donc vous allez aller troubler. Je n'ai pas... Vous allez porter la peine. Mon problème, c'est pas ce que. Mm-hmm. Comment je suis arrivé oui. à la sœur. Oui. Résista. Laisse Dieu convaincre ton mari de pouvoir aller rencontrer tes parents. Hein? Si telle est la volonté. Elle rencontre ses parents pour faire quoi? Il rencontre ses parents pour se présenter, donc pour dire que je veux la même. Le premier mari est où? Le mari, oui. Si on s'est séparés comme ça. Pourquoi? Est-ce la volonté de Dieu? Non, c'est pas vrai. Vous avez résolu ce problème. Ce problème-là. Écoutez très attentivement. Oui. Quand vous voyez les gens vivre, même si ce sont des tensions, mm-hmm. juste parce que les femmes sortent des couteaux mm-hmm. dans le foyer, mm-hmm. si Dieu ne vous a pas dit quelque chose, n'avancez pas vos soupapes là-dedans. C'est la meilleure des choses. Voilà. Des questions? Oui, là, vous allez aller créer des problèmes dans le foyer. Là, donc, vous allez... Oui, pose la question, mon cher. La question est, quand la parole de Dieu nous fait comprendre que l'esprit du prophète est soumis au prophète. Oui. Quand je vois peut-être ceux qui se disent prophètes aujourd'hui, oui. ils peuvent peut-être les eaux bénies, bénissent. Ils vendent, ils consomment. Donc d'autres ne vendent pas, d'autres partagent même pour rien. Oui. C'est vrai que mais en ce moment-là, mm-hmm. qu'est-ce qui se passe? Parce que si les prophètes, mm-hmm. qu'elle a dit que les prophètes sont mis au prophète, mm-hmm. et que lui, il leur donne peut-être, il bénit peut-être cette eau, mm-hmm. et il donne cela pour faire peut-être autre chose. Parce qu'il prend tout l'exemple que si c'est Élie, il a pris le sel, il a fait comment dans l'eau et tout, et tout, et tout, mm-hmm. et puis il est devenu potable. Ouvre d'abord l'endroit, on dit dans cette Bible, c'est que tu as cité là, ouvre la partie où ça se trouve dans la Bible. Je ne connais pas. Tu connais pas. Je connais pas. Vraiment, vous allez même finir. Oh, 1 Corinthiens chapitre 14. Entre-temps, celui-là, il prépare ses quatre passages dans là où il a dit que. Comme donner les quatre piliers maintenant. 1 Corinthiens chapitre 14. Si c'est pourquoi je t'en ai demandé que tu prennes le verset. Parce que tu as cité un verset et tu allais expliquer certaines choses que les gens font qui n'ont rien à voir avec ce que la Bible a donné dire. D'accord. Verset 26 et suivant. Allons-y. Verset 26. Que faites donc, frère, lorsque vous vous assemblez les uns ou les autres? Parmi vous, ont-ils un cantique, une instruction, une révélation, une langue, une interprétation? Que tout se passe pour l'édification. En est-il que parlent en langue, que deux ou trois au plus parlent chacun? Ah non, ça, c'est bon. Frère, viens, lis-nous ça. Assez bien, avant de dire ce que la Bible ne dit pas ici. Verset 27. Oui. En est-il qui parle en langue? Oui. Que deux ou trois au plus parlent? Oui. Chacun à son tour? Oui. Et que quelqu'un interprète? Oui. S'il n'y a point d'interprète, qu'on se taise dans l'église et qu'on parle à soi-même et à Dieu. Oui. Pour ce qui est des prophètes. Écoute maintenant très attentivement. Que deux ou trois parlent? Oui. Et que les autres jugent? Oui. Et si un autre qui est assis a une révélation? Oui. Que le premier se taise? Oui. Car vous pouvez tous prophétiser successivement, oui. Afin que tous soient instruits et que tous soient exhortés. Oui. Les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes. C'est à cet instant-là que l'apôtre a dit ces choses-là. Amen. Ça n'a rien à voir avec le partager l'eau, dit qu'on peut verser le sel. Ce n'est pas ça dont on en a parlé. Il a dit clairement, là, pour ce qui est des prophètes, qui peuvent prophétiser successivement. Et, si un, et que celui qui en a des prophètes, quand il prophétise, que les autres prophètes jugent. Il dit que les autres jugent, les autres prophètes, les prophètes. Amen. Donc, s'il y a les prophètes, s'ils sont cinq, et que quelqu'un se lève pour prophétiser, les autres prophètes doivent porter le jugement là-dessus. Pas que les chrétiens doivent porter le jugement. C'est pas que tout le monde va se lever pour juger. Il n'y a pas un être humain sur la terre qui a qualité de juger un prophète. Il n'y en a pas. Même un faux prophète, aucun chrétien n'a le droit de le juger. Vous comprenez cela? C'est seulement réservé aux prophètes et aux apôtres du Seigneur Jésus. Maintenant, on a plusieurs ministères maintenant où chacun se lève et dit n'importe quoi, que tel est faux pasteur, tel est faux pasteur. Tu le regardes, il n'a pas, Dieu n'a, lui a pas donné l'apostolat. Maintenant, ici, il dit que les autres jugent. Et que pendant que quelqu'un est de prophétiser, c'est pour ça que vous voyez la différence entre la prophétie et la révélation. Il dit que si c'est lui qui se lève, tu as de la recevoir, madame. Et si quelqu'un qui est assis a une révélation, que l'autre qui est debout qui voulait prophétiser, reste d'abord que la révélation passe en premier. Vous voyez cela, hein? Puis explique donc que vous pouvez tous prophétiser successivement. Regardez, vous pouvez prophétiser successivement. Successivement, ça veut dire l'un après l'autre. Pas que. C'est pas ça. C'est pour ça que les gens me posent la question souvent que. Et si l'esprit prophétie me saisit, frère Junior, j'ai fait comment? Il dit que si t'es saisi, il dit oui, il dit que maîtrise-le. Si t'es saisi, tu le maîtrises. Parce que la Bible déclare là-bas que les esprits de prophètes. Vous allez dans la rester, vous mettez, sinon vous allez. Si c'est à distance, vous n'allez pas bien rester. Les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'esprit des prophètes, et là encore, c'est un autre problème avec le don de prophétie. Celui qui a le don de prophétie n'est pas un prophète. On s'adresse ici aux prophètes. Aux prophètes de Dieu. Et même les pasteurs sur ces versets, si vous avez un juste en train de prêcher, que je ne sais pas où je prêchais, il y a le coordonnateur. Le coordonnateur prend le micro parce que j'en ai prêché. Vous savez, il n'aime pas quand on me met dans un endroit, on dit que tu prêches de telle heure à telle heure. J'étais encore à l'introduction pendant 2 heures de temps. J'étais à l'introduction. Il n'aime pas encore parler le message. Il se lève, il prend le. Il dit que l'esprit du prophète soumet au prophète. Il dit que frère, on n'a pas dit l'esprit du prédicateur soumet au prédicateur. Il est en train de prêcher. On a, il n'y a pas un verset qui dit que l'esprit du prédicateur est soumis au prédicateur. On a de l'esprit du prophète. Et ça concerne le moment des prophéties. Ça se pose que quand le prophète reçoit de la prophétie. Allons-y dans le livre de 1 Samuel. Vous allez voir ces gens-là. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Samuel chapitre 9. Quoi que je vais trouver ça rapidement là. Si vous êtes à côté de quelqu'un, aidez la personne à ouvrir la Bible. Donc, dans ce livre de 1 Samuel, c'est l'appel de Saül. Vous savez, au chapitre 8, au chapitre 9 de 1 Samuel, les Israélites vont demander un roi à Dieu, à Samuel, que Samuel leur établisse un roi comme les gens des nations. Et puis là, Dieu va susciter maintenant Saül. À partir du verset 1, vous lisez. Maintenant, regardez. Regardez, suivez attentivement. Il y avait un homme de Benjamin nommé Kis, fils d'Abiel, fils de Tseror, fils de Bekorat, fils d'Afiat, fils d'un Benjamite. C'était un homme fort et vaillant. Il avait un fils du nom de Saul, jeune et beau, plus beau qu'aucun des enfants d'Israël, et les dépassant tous de la tête. Vous y êtes? Les années de Kis, père de Saul, s'égarèrent. Et Kis dit à Saul, son fils, prends avec toi l'un des serviteurs, lève-toi, vois et cherche les années. Va et cherche les années. Il passa par la montagne. Je suis dans 1 Samuel chapitre 9, vous y êtes, non? Il passa par la montagne d'Ephraïm et traversa le pays de Shalishar sans les trouver. Il passait par le pays de Shalim et elles n'y étaient pas. Il parcourut le pays de Benjamin et il ne les trouvait pas. Ils étaient arrivés dans le pays de Tsouf. Lorsque Saul dit à son serviteur qui l'accompagnait, viens, retournons, de peur que mon père, oubliant les ânes, ne soit en peine de nous. Le serviteur lui dit, voici, il y a dans cette ville un homme de Dieu. Et c'est un homme considéré. Tout ce qu'il dit ne manque pas d'arriver. Parler du prophète. Alors, allons-y donc. Peut-être nous fera-t-il connaître le chemin que nous devons prendre. Oui, voici ce que les hommes doivent faire sur la terre. Verset 7, Saul dit à son serviteur, mais si nous y allons, que porterons-nous à l'homme de Dieu? Car il n'y a plus de provisions dans nos sacs et nous n'avons aucun présent à offrir à l'homme de Dieu. Qu'est-ce que nous avons? Le serviteur reprit la parole et dit à Saul, voici, j'ai sur moi le quart d'un cycle d'argent et je le donnerai à l'homme de Dieu et il nous indiquera notre chemin. Écoutez, autrefois en Israël, quand on allait consulter Dieu, on disait, venez, allons au voyant. Car celui qu'on appelle aujourd'hui le prophète s'appelait autrefois le voyant. Saul dit à son serviteur, tu as raison, viens, allons. Et il se rendit à la ville où était l'homme de Dieu. Comme il montait à la ville, il rencontrait des jeunes filles sorties. Regardez, ça c'est la phase que le Saint-Esprit venait de raconter. Ce qui se passe de ce côté, c'est avec le père de Saul, son serviteur. Mais pendant qu'il se passe, un événement s'est passé de l'autre côté. La Bible déclare à partir du verset 11, comme il montait à la ville, il rencontrait les jeunes filles sorties pour puiser de l'eau. Et il leur dit, le voyant est-il ici? Elle leur répondit en disant, oui, il est devant toi, mais va promptement car aujourd'hui il est venu à la ville parce qu'il y a un sacrifice pour le peuple sur le haut lieu. Quand vous serez entré dans la ville, vous le trouverez avant qu'il monte au haut lieu pour manger. Car le peuple ne mangera point qu'il ne soit arrivé parce qu'il doit bénir le sacrifice. Après quoi, les conviés mangeront. Montez donc car maintenant vous le trouverez. Et ils montaient à la ville. Ils étaient arrivés au milieu de la ville quand ils furent rencontrés par Samuel qui sortait pour monter eux au lieu. Or, écoutez bien attentivement. Or, un jour avant l'arrivée de Saul, l'Éternel avait averti Saul en disant. Vous avez vu ça? Samuel, voilà, vous me suivez. Or, un jour avant, le Seigneur avait quoi? Avant l'arrivée de Saül, l'Éternel avait averti Samuel en disant, demain, à 7 heures, je t'enverrai un homme du pays de Benjamin. Et tu loindras pour chef de mon peuple Israël. Il sauvera mon peuple de la main des Philistins, car j'ai regardé mon peuple parce que son cri est venu jusqu'à moi. Lorsque Samuel eut aperçu Saul, l'Éternel lui dit, voici l'homme dont je t'ai parlé. C'est lui qui régnera sur mon peuple. Donc quand Saül s'est présenté le peuple, quand il a vu, vous savez ces choses. Quand Saül s'est présenté là, quand il a vu, quand Dieu lui dit, voici donc l'homme était parlé à cette personne de le rencontrer. L'heure de la rencontre était là. Quand Dieu lui dit, est-ce qu'il parle depuis le haut, disons que Samuel, voilà l'homme là. Comme le tonnerre ferait pour que tout le monde entende. Où est-ce qu'il entend? Dans son cœur. Voilà. Maintenant, il dit, voici l'homme dont je t'ai parlé hier. Regardez attentivement encore. Verset 18. Saul s'approcha de Samuel au milieu de la porte et dit, indique-moi, je t'ai pris où est la maison du voyant. Le voilà en face de lui. Il ne sait pas que c'est lui. Mais tous les renseignements concernant Saul, il l'a. Mais la Bible déclare là-bas que c'est un jour avant qu'il avait eu ce renseignement, n'est-ce pas? Quand il l'a vu, il a seulement dit que le voici. Mais il est resté tranquille. Où tu vois qu'il va. Où est la maison du voyant? C'est moi, le voyant. Est-ce qu'il lui a donné. Quand il l'a vu, Saul. Saul, c'est toi? Yeah. Tu vas régner sur Israël. Je ne me maîtrise pas. Hey, arrêtez-moi. C'est pas ça dans la Bible. Et donc, quand il a vu Saul, et regardez, continuons seulement la lecture. Samuel répondit à Saul, c'est moi qui suis le voyant. Monte devant moi au haut lieu et vous mangerez aujourd'hui avec moi. Je te laisserai partir demain et je te dirai tout ce qui se passe dans ton cœur. Parlez des prophètes. C'est un défi ici. Le prophète ne dit pas que on pourra voir ce que. Souvenez-vous, la Bible déclare dans Jérémie chapitre 3, 17, verset 10, que c'est l'Éternel qui sonde les cœurs et les reins. Il dit, je te dirai tout ce qui est dans ton cœur. Prophète. Il dit, c'est demain. Il a tout le renseignement. Il dit, montons au lieu, allons qu'on fait ce que j'ai à faire. Quand on finit de monter, vous lisez la suite. Il avait déjà donné le renseignement à son cuisinier. Que tu le sacrifices, l'épaule là. L'épaule. Prépare ça pour la personne qui va te dire demain. Il sait ce que ça va, à quoi ça va servir. Le moment va arriver, ils vont se lever pour manger. Il a dit que, n'est-ce pas, pour qui les meilleurs produits des pays, ils n'en pas à toi. Il dit, je suis moi qui ici dehors pour que cette chose. Il dit à ton serviteur de monter. Et son serviteur s'est avancé. Il a dit, l'Éternel ne t'a-t-il pas ouan kouboura. Vous voyez qu'à cet instant-là, il a manifesté maintenant ce que Dieu lui a dit depuis. Donc le renseignement se trouve dans son esprit. Il peut faire de ça ce qu'il veut, quand il veut. Comme le prophète Élie, par exemple. Si vous lisez 1 Samuel, quoi, 1 Roi chapitre 17 et chapitre 18, quand Élie ouvre sa bouche, il dit, il ne tombera point de la pluie sur la surface de la terre, sinon à ma parole. Donc, quand il a dit ça, Dieu a intérêt à le garder vivant, parce que s'il meurt, il ne tombera plus de la pluie. Parce qu'il a dit, ça doit tomber à sa parole, pas qu'un prophète doit voir de lui dire. Même si quelqu'un peut jeûner, prier, n'importe comment, il a déjà fermé. Et donc, quand il dit, c'est sur sa parole que la pluie va tomber. Ça suppose que même si n'importe quoi lui arrive, il doit devoir être vivant pour pouvoir dire que la pluie tombe, pour que la pluie tombe. L'esprit du prophète, ce mieux prophète, ça veut dire, quand le prophète, l'esprit du prophète reçoit le message, il dispose de son temps pour dire quand il va faire ou bien n'importe comment il va faire. Amen. Regarde l'appel de Corneille. Est-ce que tu sais que le salut de Corneille, que le Corneille meurt ou qu'il ne meurt pas sur la terre, était obligé, le ciel était obligé de garder Corneille pour que Paul Pierre vienne annoncer la parole? Je crois que tu as vu ça dans la Bible. Si vous lisez votre Bible correctement, vous allez remarquer que quand il était en train de réfléchir sur ce qui était sur les visions qui lui étaient montées sur la montagne, pendant qu'il réfléchissait, la Bible dit que si vous lisez bien votre Bible, le Saint-Esprit dit que ces hommes, c'est moi qui les ai envoyés, lève-toi et va avec eux. Il s'est levé, il n'est pas allé avec eux. Vous avez lu ça dans la Bible, frère? Oh, l'ange a dit, envoie à Joppé, appeler Pierre pour qu'il vous dise la parole pour laquelle tu vas être sauvé. Allons-y, on peut la main. Acte chapitre 10. Vous allez seulement lire votre Bible là. Acte chapitre 10. Or maintenant, vous voyez, si la Bible dit, le Saint-Esprit dit, comme on a les sensations aujourd'hui là, vous restez comme ça, vous dites, le Saint-Esprit dit que le frère avait un mal de ventre. Hey frère, avais-tu un mal de ventre? C'est pas comme ça. Il y a des gens pour qui j'ai le message depuis 2 ans. Ils ne donnent pas. Il dit bien 2 ans. Ils ne donnent pas. D'autres qui sont là, ils observent. Ils disent absolument. Acte chapitre 10. Tiens de dire Acte chapitre 10. Vous me regardez comme ça là. Acte des apôtres chapitre 10. Regardez. Verset 10 et suivant. Il eut faim et il voulut manger. Pendant qu'on lui préparait à manger, il tomba en extase. Il vit le ciel ouvert et un objet semblable à une grande nappe attachée par les 4 coins qui descendait et s'abaissait vers la terre. Et où se trouvaient tous les quadrupèdes et les reptiles de la terre et les oiseaux du ciel. Et une voix lui dit, lève-toi Pierre, tue et mange. Mais Pierre dit, non Seigneur, car je n'ai jamais rien mangé de souillé ni d'impur. Et pour la seconde fois, la voix se fit encore entendre à lui. Ce que Dieu a déclaré, puis ne le regarde pas comme souillé. Cela arriva jusqu'à 3 fois et aussitôt après, l'objet fut retiré dans le ciel. Tandis que Pierre ne savait en lui-même que penser du sens de la vision qu'il avait eue, voici les hommes envoyés par Corneille s'étant informés de la maison de Simon se présentaient à la porte et demandaient à haute voix si c'était là que logeait Simon s'y nommait Pierre. Et comme Pierre était à réfléchir sur la vision, écoutez très attentivement, l'Esprit lui dit, voici 3 hommes te demandent. Lève-toi, descends et pas avec eux sans, car c'est moi qui les ai. Voilà l'ordre que le Saint-Esprit lui a donné. Et quand il lui parle dans son esprit, il a reçu le message. Les hommes là, ils se cherchent. Descends de toi, un. Pas avec eux sans. Regardons la suite. Pierre donc descendit. Il a obéi au premier. Parler des prophètes. Pierre donc descendit. Et il dit à ses hommes, voici, je suis celui que vous cherchez. Quel est le motif qui vous amène? Il répondit, Corneille, centenier, homme juste et craignant Dieu, et de qui toute la nation des Juifs rend un bon témoignage, a été divinement averti par un saint ange de te faire venir dans sa maison et d'entendre tes paroles. Pierre donc les fit entrer et les logea. Allons-y, la suite. Le lendemain. Voilà. Voilà. C'est ça dont il est question. Mais le Saint-Esprit lui a dit que lève-toi, descends pas avec eux sans hésiter. Il est allé, le gars a mangé, il a dormi. Donc, le ciel, toute l'attention du ciel était attendue parce qu'il faut, Dieu est obligé de garder tous ces gens-là vivants pour qu'ils reçoivent le message pour être sauvés. Donc, si quelqu'un devait mourir, on fait un, ce que vous appelez la prolongation de sa mort. Juste parce qu'il vient pour annoncer la parole. Toute l'attention du ciel était là. Donc, quand Pierre dort, il dort, tout le monde est d'accord que Pierre, on attend que c'est que Pierre qui va déclencher. C'est lui qui doit déclencher. Or, c'est écrit là-bas que l'Esprit lui a dit. Lève-toi, descends et pas avec eux sans hésiter. Donc on s'attend à ce que quand il descend sur la toiture, il descend et dit ok, allons. C'est pas comme ça se passe. C'est pas comme ça. Non, je suis venu voir le serviteur qui vient prier pour ma fille. Je croyais qu'il devait venir comme ça, il devait prier. Si Dieu lui a dit, c'est lui qui décide quand il va le faire, il le fait. C'est lui qui est soumis. C'est Dieu qui a dit ça, qu'il a soumis l'esprit du prophète au prophète. Donc si il décide, il fait quand il veut. C'est compris, mon frère. Donc ça n'a rien à voir avec Élie et Élisée, quoi que ce soit. Élie et ceci, Élie et ceci, Élie et ceci, que Élie a fait comme ça, il a pris le sel, l'autre a pris le sel, fait comme ça dans le pot que la mort n'est plus dans le pot. Ça n'a rien à voir. Ici, c'est concernant le message des prophéties. Donc quand le message vient au prophète, il dispose lui-même le moyen et les méthodes comment il va transmettre sa prophétie. D'accord, mon cher? Si vous lisez également le livre des 2 Rois, chapitre 14. Vous allez voir quand le prophète Élisée était vieux et que le roi a envoyé venir vers lui pour lui consulter. Il était malade dans lequel il devait mourir. Il a ouvert la fenêtre, il jette la flèche, il a jeté la pas. Après, il a dit tape au bateau, il a tapé 1, 2, 3. Il s'est arrêté. Il dit pourquoi tu as arrêté? C'est grave. Il fallait taper même 7 ou même 6 fois. Tu aurais réduit en néant tous tes ennemis. Maintenant, tu as tapé 3 fois. C'est seulement 3 fois que tu vas le battre. Quand il lui a dit jette le bateau, tape, 3 fois, tape. Il n'a pas dit le nombre de fois. Il n'a pas dit c'est à quoi ça sert. Il fait seulement pam, pam, pam. Il dit ça va, oh, tu es fini. Que Dieu vous bénisse. Je peux continuer maintenant mon truc ici. Donc, quand vous lisez votre Bible, faites attention. Faites attention. Allons-y, mon cher. Nous allons commencer dans Jérémie chapitre 6. Jérémie chapitre 6. On ne doit pas citer les versets n'importe quoi, on peut mettre dans n'importe quoi pour soutenir n'importe quoi. Ça ne marche pas. Les versets bibliques ne marchent pas comme ça. D'accord? Donc, souvenez-vous que l'Esprit de Dieu ne vient pas saisir quelqu'un pour qu'il ne se maîtrise pas. Ça ne fait pas cela. Parce qu'on dit que Dieu est un Dieu d'ordre. Il dit quand le Saint-Esprit est venu sur moi, c'est pour ça que je me pose la question. Et si l'Esprit, Saint-Esprit, saisit une femme dans une assemblée, comment elle fait pour pouvoir venir prophétiser? Parce qu'elle ne peut pas se maîtriser. La personne qui dit qu'il faut qu'il y ait l'ordre, qu'on prophétise successivement, c'est de quoi il est question. Et regardez encore, pendant que je t'en ai parlé, regardez dans votre livre des Actes des Apôtres, chapitre 11, et puis le chapitre 21. Vous remarquez que dans Actes des Apôtres, chapitre 21, la Bible déclare à Philippe, chez le frère Philippe, vous allez remarquer qu'il y avait des prophètes qui sont venus jusqu'à trouver Philippe, quand même, qui s'appelle l'apôtre Paul, avec Luc là-bas. Ils étaient là, prêts à embarquer. Et donc là, les prophètes sont sortis loin de Jérusalem. Regardez Jérusalem jusqu'à Césarée. Combien de mois ils ont dû marcher pour arriver là-bas, chez Philippe. Et ils venaient comme ça parce qu'il avait un message. Il s'est tenu au milieu de l'assemblée, allé vers Paul, il a pris la ceinture, il a attaché que l'homme à qui appartient cette ceinture-ci. Donc, ça, il a ce message-là, c'est en lui depuis. Il marche avec, il n'est pas obligé de dire que Paul va voir comme il va me bavarder, on va l'attraper là-bas. C'est en lui. Celui-ci, le prophète Samuel, il a dit tourne-toi, il va te dire tout ce qui est dans son cœur. Voici, tu vas quitter ici, tu vas rencontrer 3 hommes qui reviennent au lieu. Ils vous porteront 3 points, ils vont te demander. Tu vas aller à tel endroit, après ça, tu vas aller après le sépulcre de la chair, tu vas trouver. Parler des prophètes. Je prie que les femmes soient vraiment stériles pour demander les prophètes. Allons-y, chapitre 6 de Jérémie. Nous allons lire le verset 10 et le verset 19. Le verset 10 dit, à qui m'adresser et qui prendre à témoin pour qu'on écoute, voici, leur oreille est incirconcise. Et ils sont incapables d'être attentifs. Voici la parole de l'Éternel est pour eux un opprobre. Ils n'y trouvent aucun plaisir. Le verset 19. Écoutez, voici, je fais venir sur ce peuple le malheur, fruit de ses pensées, car ils n'ont point été attentifs à mes paroles. Ils ont méprisé ma loi. Qu'ai-je besoin de l'encens qui vient de Séba, du roseau aromatique d'un pays lointain? Ézéchiel chapitre 44. Ézéchiel chapitre 44, verset 5. L'Éternel me dit, fils de l'homme, sois attentif et regarde de tes yeux, écoute de tes oreilles tout ce que je te dirai au sujet de toutes les ordonnances de la maison de l'Éternel et de toutes ses lois. Considère attentivement l'entrée de la maison et toutes les issues du sanctuaire. Daniel chapitre 9. Daniel chapitre 9, le verset 13. Comme cela est écrit dans la loi de Moïse, toute cette calamité est venue sur nous et nous n'avons pas imploré l'Éternel, notre Dieu. Nous ne nous sommes pas détournés de nos iniquités. Nous n'avons pas été attentifs à la vérité. L'Éternel a veillé sur cette calamité et l'a fait venir sur nous, car l'Éternel, notre Dieu, est juste dans toutes les choses qu'il a faites. Chapitre 10, le verset 1. On continue. Oui. La troisième année de Cyrus, roi de Perse, une parole fut révélée à Daniel, qu'on nommait Belshazzar. Cette parole, qui est véritable, annonce une grande calamité. Il fut attentif à cette parole et il eut l'intelligence de la vision. Donc vous allez m'excuser parce que le dernier était c'est Zacharie chapitre 7. Donc finalement c'était pas 4, n'est-ce pas frère? Oui. C'était combien là déjà? 6. Zacharie chapitre 7. Zacharie chapitre 7. Je vais lire à partir du verset 9. Ainsi parlait l'Éternel des armées. Rendez véritablement la justice et ayez l'un pour l'autre de la bonté et de la miséricorde. N'opprimez pas la veuve et l'orphelin, l'étranger et le pauvre. Et ne méditez pas l'un contre l'autre le mal dans vos cœurs. Mais ils refusaient d'être attentifs. Ils eurent l'épaule rebelle et ils endurcirent leurs oreilles pour ne pas entendre. Il rendit le cœur dur comme le diamant pour ne pas écouter la loi et les paroles que l'Éternel des armées leur adressait par son esprit, par les premiers prophètes. Ainsi, l'Éternel des armées s'enflamma d'une grande colère. Amen. Et encore un autre frère. Dimanche prochain, il va travailler avec les femmes. Vous devez venir travailler avec vous. Pose ta question, mon cher. Mon frère, ma question ici, c'est, ça concerne le fait d'être attentif à la parole de Dieu. Lorsque nous lisons depuis les prophètes, comme on a lu, nous voyons comment le prophète Ézéchiel a été attentif et Daniel également. Bon, en me limitant sur les deux, ces deux personnages, et nous avons lu dans Zacharie 7 comment le peuple avait un cœur endurci, n'était pas attentif. Bon, j'aimerais savoir c'est quoi déjà être attentif à ce que Dieu dit. De deux, qu'est-ce qui faisait en sorte que Daniel, Ézéchiel et les autres puissent être attentifs et que ce peuple également ne soit pas attentif? Parce que dans ce Zacharie, nous verrons que dans Jérémie, autant pour moi, nous verrons que le Seigneur va les reprocher du fait que même les sacrificateurs et le peuple s'étaient détournés de ses voies. Donc je veux savoir c'est quoi véritablement être attentif et qu'est-ce qu'il faisait, quelle était la particularité de ces personnages qui ont été attentifs par rapport aux autres qui n'ont pas été attentifs. Merci. Hébreux chapitre 2. Allons dans lui pour les Hébreux, dans le Nouveau Testament maintenant. Donc, le deuxième volet, on peut répondre rapidement. Vous allez remarquer que ceux qui sont attentifs sont des prophètes, n'est-ce pas? Parce que tu dis que quelle est la particularité de ces personnes? Toutes les personnes que tu as remarquées sont des prophètes. Parce que les prophètes sont les porte-parole de l'Éternel. Et tu remarques donc que dans le livre de Jérémie, il dit qu'il a pris sa parole et l'a dévoré. Ça se trouve à l'intérieur de lui. S'il dit que c'était, qu'est-ce qui se passe en lui? Il ne peut pas faire autrement, son esprit est conçu comme ça. Son esprit est conçu pour être habité par la parole. ce qui n'est pas le quotidien des les autres personnes. Les autres personnes ne sont pas conçues de cette façon-là. Parce qu'il peut se tenir là, il voit une chose, tu ne vois pas la chose. Et le fait qu'il voit, ça le dérange. Les autres personnes, si vous restez comme ça, si on va là dehors, il dit que dans cette direction, si se trouve quelqu'un qui a 4 têtes et 9 cornes, puis il dit que frère, pardon, pas, ça va me prendre quelque chose. Tu vas encore y aller. Malgré que tu regardes dans le vide, tu ne vois pas. Le fait que tu t'es dit cela, tu vois effectivement que tu es frayé. Donc imagine donc que si tu voyais de ta propre bouche, de tes propres yeux, tu vas commencer à fuir pour aller te cacher. Or le prophète, lui, il voit. Quand il voit, ça ne le dérange pas parce que c'est, il vit les deux dimensions. Vous voyez, il peut savoir ce qu'il est là-bas. Quand Jérémie se met là-bas, il commence à parler de que Nebuchadnezzar et Nebuchadnezzar viendront et ils vont détruire ces projets. Les autres personnes, ils regardent le Jérusalem, ils regardent les murailles fortifiées. Ils le guettent comme ça là. Comme ils ne voient pas loin, ils ne peuvent pas voir. Le gars, il regarde comme ça, c'est sûr que le gars, si le soleil lui a donné des insomnies pendant des jours. Parce que quand il regarde le temple, il brûlait le temple de Dieu. Le temple éternel, on le sait jour et nuit dans le temple. N'est-ce pas? C'est le renseignement qu'ils ont. Le Cameroun est un îlot de paix. Préservons la paix. Si tu regardes dans l'autre direction, il y a une cloche qui est en train de sonner. Quand. Donc, c'est les prophètes. Et les prophètes ne peuvent pas faire autrement parce qu'ils sont placés comme sentinelles du Seigneur. C'est pour ça que Daniel, dans le chapitre 9 de Daniel, il dit que Dieu a veillé sur cette calamité pour que ça arrive. Parce que Moïse avait dit au chapitre 32 de Deutéronome que quand Dieu était descendu sur la montagne, Dieu lui a donné la prophétie qu'enseigne les sacs par cantique. Qu'ils aient chanté ça, ils répétaient cela. Parce qu'ils vont entrer, ils vont se corrompre. Et les calamités vont venir sur lui. N'est-ce pas ce que Daniel a dit? Et Daniel a dit qu'ils n'ont pas tenu à observer ce que Moïse, le serviteur Moïse de Dieu, Moïse avait donné. Et les imprécations qui étaient écrites là-bas, les malédictions qui étaient écrites là, sont arrivées exactement. Dieu a veillé pour cela. Josué le prophète leur avait dit dans le chapitre 24 de Josué, il a dit que quand Dieu vous a fait le bien en vous donnant les mannes comme ça, il va se retourner en vous faisant du mal. Après, vous allez faire du bien. Il a dit, non. Qui peut ne pas servir Dieu? On va servir Dieu. Dieu dit, ok, vous êtes témoin contre vous, que c'est vous qui avez choisi de servir l'Éternel. Chapitre 2 d'Hébreux. Donc les prophètes sont comme ça. Hébreux chapitre 2. Regardez. C'est pourquoi, à partir du verset 1 là, c'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues de peur. Enfin, c'est ta question qui m'a amené ici. C'est quoi être attentif à la voix de Dieu, à la parole de Dieu? C'est quoi? Qu'est-ce que Dieu appelle dans l'Ancien Testament? Ils n'ont pas été attentifs. Regardons. C'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues de peur de nous, que nous ne soyons emportés loin d'elles. Vous avez la réponse, n'est-ce pas, frère? Ah. Car si la parole annoncée par des anges a eu son effet, et si toute transgression et toute désobéissance a reçu une juste rétribution, comme on a vu là, dans tous ces cas-là, n'est-ce pas? Comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut qui, annoncé d'abord par le Seigneur, nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu? Dieu appuyant leur témoignage par des signes, des prodiges et divers miracles, et par les dons du Saint-Esprit distribués selon sa volonté. Voilà la réponse. Voici le pourquoi Dieu avait dit dans Deutéronome chapitre 6, si vous le prenez à partir du verset 11, Dieu leur avait dit quand ils seront entrés dans le pays, qu'ils écrivent ces paroles-là sur les linteaux de porte. Pour les Israélites, on pouvait encore les prendre à défaut qu'il n'y avait pas de copistes qui multiplieraient cela parce qu'ils avaient des livres que les sacrificateurs avaient. Le sacrificateur qui devait lire cela et dire au peuple. Donc, ils venaient, comme vous allez lire dans le livre d'Esdras, dans le livre d'Ennemi, comment ils sont tenus là-bas, ils sont réunis. On prend un livre de la loi, on ouvre le rouleau. On lit Moïse, on lit ce que Moïse a dit, ainsi par l'Éternel, ainsi on lit, on le respecte, ce qu'il fait. Quand on ferme le rouleau, et les gens rentrent chez lui. Donc il part avec ce qu'il a reçu. Mais maintenant nous avons chacun à ça. Vous voyez cela, hein? Chacun à ça. Sur toutes les formes. Quand tu parles, tu dis que ça veut dire comme ça, quelqu'un tape comme ça, il laisse dans l'ordinateur, il tape comme ça pour voir si c'est vraiment ce que tu dis. Quand tu dis c'est pas ça, il te regarde, vous avez dit que celui-ci sort d'où là, celui-là. Donc nous tous, nous avons ça aujourd'hui. Et donc là. Ce que tu as vu comme ceux qui s'éloignaient, ceux qui n'étaient pas attentifs, là, c'est plus grave dans le Nouveau Testament. Et c'est ce que le Saint-Esprit dit dans Hébreux chapitre 2. Il dit, les gens d'avant, là, ils n'avaient pas été attentifs. Et là, chaque parole qui était annoncée a eu une rétribution quand ils n'ont pas été attentifs. Comment nous échapperons en ayant écouté un si grand salut que le Seigneur lui-même a annoncé? Oh, là-bas, c'est les prophètes qui ont annoncé. Le Seigneur lui-même a annoncé ce salut. Si on entend ces choses-là, on doit s'attacher de ça, de peur de ne pas nous gagner. Donc, vous vous attachez à la parole. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite le jour et nuit. Pour. Médite le jour et nuit. Ne oubliez jamais ce mot. Pour. On médite pour. Pour agir. Donc il avait dit aux juifs d'écrire ça de l'intérieur de porte, de répéter ça de génération en génération. Et quand les juifs vont te dire, qu'est-ce que signifie ces choses-ci? Il dit que nous fûmes d'abord esclaves dans un pays et l'Éternel nous a fait sortir par. Il devait répéter cela pour que ces paroles-là comprennent, pour qu'ils commémorent. C'est l'une des raisons pour laquelle il donnait les fêtes. Quand il monte à Jérusalem, les gens y allaient seulement pour fêter. Mais d'autres devaient comprendre la signification de ces fêtes pour comprendre que Dieu leur avait délivré par le passé. Et pour montrer dans l'intimité et la relation avec ces dieux-là. Vous voyez, chaque fois maintenant, si vous lisez le livre du juge, Dieu va susciter Shangha, susciter Onel, susciter les juges, toutes ces personnes-là pour délivrer Israël. La Bible déclare que, mais après la mort de ces juges-là, ils retournaient encore quoi? Dans l'idolâtrie. Le vrai problème, c'était parce qu'ils n'avaient pas, chacun n'avait pas l'écrit. Nous, on a l'écrit maintenant. Vous pouvez, chacun peut rester à la maison, il lit la Bible, il a une relation avec le Seigneur. Eux, remarquez très attentivement dans le livre de 1 Chronique, chapitre 34, 105. Vous allez remarquer comment Joseph a découvert. On dit qu'on a découvert, pendant qu'on est en train de regarder le temps, on a découvert le livre de la loi quelque part. Mais c'est quoi ça? Le livre de la loi, ça suppose que ça devrait être rare. On tape, on lit, on dit, hein? Donc c'est que ce qui nous arrive est écrit dans un livre. Je dis, mais parce qu'il n'y a pas de livre. Si vous n'avez pas la connaissance, s'il n'y a pas de la Bible, si. Vous êtes fini. C'est pour ça que Satan fait tout et tout pour combattre la Bible. Ce sont les hommes qui ont écrit. Ce n'est même pas complet. Les autres, il y a d'autres connaissances là-bas. C'est l'Église catholique, c'est le concierge, le conseil des Églises catholiques qui a fait. C'est Constantin qui a fait cela. Constantin dépasse Daniel qui a écrit là-bas. Il dépend même le Saint-Esprit. Donc, ils ont dû cacher la vérité. Et l'ange dit que c'est pour l'époque de la fin. Donc, il a dit que c'est pour la fin. Ceux de la fin vont lire et comprendre. Entre temps, au ciel, on ne sait pas comment on fait juste parce que les papes ont caché ce qui est vrai. Vous êtes fous seulement sur la terre ici. Ce que vous avez là est suffisant. Vous allez en haut, vous allez voir ça comme ça. Amen. Voilà. Maintenant, ça veut dire que nous avons aujourd'hui. Ayant écouté les témoignages du Seigneur Jésus, les gens qui l'ont reçu ont écouté, ont retransmis. Et Luc dit qu'il a fait des investigations pour transmettre des choses qui sont exactes. Ça, c'est un verset que les musulmans n'aiment pas. Que comment quelqu'un peut faire des investigations pour dire, et on dit que c'est la parole de Dieu. On s'en fout si pour chez eux, on dit que dit, et il dit. Chez nous ici, Dieu passe par plusieurs autres styles d'écrivains. Il est même passé par un arabe pour écrire la Bible. Vous savez ça, n'est-ce pas? Voilà. Donc, Dieu n'est pas comme quelqu'un dit non, je choisis une seule personne, il dit pour que ça soit tout ça, c'est la parole de Dieu. L'apôtre Paul dit qu'en venant prendre mon manteau, il a le droit de dire ça, se trouve là-dedans. N'est-ce pas, frère? Donc, s'attacher à la parole de Dieu, c'est vrai, on dit qu'on est attentif à ce qu'elle dit, parce qu'on y va pour plonger les regards, n'étant pas un auditeur oublié, mais c'est en mettant en l'œuvre. Parce que tu peux avoir la Bible, tu ouvres, tu mets ça sur ta table, tu regardes ça chaque fois. Ben, d'autres ouvrent, ils mettent ça sous l'oreille. D'autres écoutent le verset au mur comme ça. Ce que tu as écrit sur le mur là, ça doit être ici à l'intérieur. C'est sur le cœur que ça doit être. Ça doit être écrit ici. Parce que Dieu avait dit qu'il doit écrire sa parole dans le cœur, n'est-ce pas, frère? Amen. Des questions? Oui, frère, la deuxième question. Après les quatre versets, il y aura combien de questions aussi? Allons-y. Les cahiers de questions, ça va. Pour ne pas m'éloigner de la question, j'ai dû écrire. Mm-hmm. Bon, ça concerne la délivrance des mauvais esprits. Oui. Oui. Lorsque nous regardons le parcours des premiers disciples que le Seigneur avait choisi. Oui. Et ceux qui ont été appelés plus tard, après la naissance de l'Église, nous constatons que tous, sans exception, servaient d'abord le diable avant de venir à Christ, y compris aussi l'apôtre Paul autrefois. Mais la question, c'est ceci, comment se fait-il qu'aucun d'eux, ne fût délivré des mauvais esprits comme tel, comme tel fut le cas pour plusieurs de ceux que le Seigneur lui-même ordonnait aux esprits impurs de les quitter. Ou bien, bon, je parle par exemple le cas des disciples qui ont été choisis par le Seigneur. Oui. Ou bien, est-ce à dire que parmi tous ceux que le Seigneur choisissait comme apôtres, personne n'était possédé? Ou bien encore, les styles de possession n'étaient pas comme celles des autres? Et en ramenant cela à notre époque, nous nous rendons compte que plusieurs de ceux qu'on prend pour chrétiens aujourd'hui, pour ne pas dire tous, sont parfois tous possédés. Oui, frère. Donc, la question, en fait, c'est quoi? C'est que quand nous voyons Pierre et les douze que le Seigneur a choisis, nous n'avons vu nulle part où le Seigneur les a délivrés. Bon, est-ce parce qu'eux n'étaient pas possédés? Et nous voyons non. Plus tard. Non, arrêtons d'abord, réponds à cette question. Ils étaient possédés, oui ou non? Non, frère. Pourquoi vous voulez dire qu'ils soient possédés? Bon, frère, en fait, parce que en servant le diable autrefois, nous étions sans ignorer sous son influence. Donc tu peux être sous l'influence du diable sans être possédé. Oui, frère. Mais c'est la réponse à la question là-bas. N'est-ce pas, frère? Oui, frère. C'est pas tout le monde qui est possédé. Amen. La plus grande possession, c'est la délivrance de ce système-ci. Amen. La plus grande possession, c'est la délivrance de ce système-ci. Donc, il y a des gens que Satan ne vient même pas toucher leur corps. Mais tu fais son œuvre. Mais tu es quand même chez lui, non? Il nous a délivrés. Il nous a délivrés, écoute bien, de la puissance des ténèbres. Et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Donc tous sont passés par la délivrance, n'est-ce pas, frère? Amen. Des questions? Oui. Je crois qu'on ferait mieux d'allumer là-bas. Allume au-dessus de toi, là. Voilà. Des questions? Oui. Et continuons la délivrance. Attends, non, finissons ici. Est-ce qu'il a fini? Oui, frère. Je voulais en fait venir ramener cela aujourd'hui. Oui. Par exemple, bon, je ne sais pas, puisque la Bible nous fait comprendre que quand Lucifer s'est détaché, il a amené avec lui le tiers des anges. Oui. Bon, ta question c'est, d'après cette compréhension, je sais que les esprits ne se multiplient plus. Et bon, quand nous regardons aujourd'hui, nous nous rendons compte que c'est comme si le niveau, le degré de possession dans le monde aujourd'hui, par rapport aux temps anciens, est plus élevé. Parce que lorsque nous regardons, en fait, comme la Bible le dit également, que dans les derniers jours, le diable, il devient de plus en plus furieux parce qu'il sait qu'il lui reste peu de temps. Mmh. Donc, et pour cela, je vois, en fait, lorsque je ramène cela aujourd'hui, je vois qu'est-ce qui est véritablement le problème. Donc, ce qui fait en sorte que les gens aujourd'hui, en fait, ne parviennent pas à assimiler la parole, mais que chaque fois. Mais quel genre? Je veux dire, n'est-ce pas, frère? Mmh. Je veux dire que, bon, en milieu religieux aujourd'hui. Attends d'abord doucement. Tu as commencé par le fait que la Bible dit que Satan ne descendait pas les tiers des anges. Oui, frère. Tu as dit qu'il ne se multiplie pas. Et on voit que le niveau de possession augmente de jour en jour. Le problème, c'est quoi? Alors, ça, c'est le constat. Ça, c'est le diagnostic. Oui, frère. Quelle est la question? Bon, frère, la question, c'est ceci. Oui, en fait, il n'y a pas de question, c'était le constat. C'était le constat, frère. Donc, tu voulais poser donc une question tout à l'heure en disant que c'est ceci. Non, c'est la première que j'ai posée concernant les apôtres. Ça va? Ok, s'il n'y a pas de question, on prend ce sujet-là, on développe cela pour qu'on voit. Ma question est la suivante. C'est une observation que j'ai eu à faire plusieurs fois. C'est une observation, c'est une question. C'est une question, en même temps, une observation. Oui. Parce que ce que je vais approfondir, c'est qu'elle vient poser une question. Bon, elle est la suivante. Pourquoi dans la Bible. Quand l'apôtre Paul est avec une femme qui avait un esprit puissant derrière, qui lui suivait, oui. Cet homme prophétisait. Oui. Bon. Il déclare que l'esprit de Python sort. Uh-huh. Et lui, tu comprends que à l'instant où l'esprit sortit. Oui. Mais pourquoi aujourd'hui, les serviteurs de Dieu aujourd'hui, oui. Il faut dire sort, oui. Sort, oui. Sort, démon, sort. Donc il faut répéter plusieurs phrases tout à fait, tu t'essouffles même. Comme le démon ne sort pas. Oui. C'est ce que j'aime bien dans les vidéos. Oui. C'est pourquoi je pose cette question, que oui. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi cela. Il y a une très grande différence entre ce qui, la manière dont on délivre dans la Bible, oui. La manière dont les serviteurs de Dieu délivrent aujourd'hui. Oui. Il y a une très grande différence. Quand tu as posé la question, tu arrives à quelle conclusion une fois de plus? La conclusion? Oui. Ma question est que je veux savoir pourquoi cela. Non, tu as posé la question. Il dit quand tu t'es posé la question, toi, en réfléchissant par rapport à la Bible, tu as arrivé à quelle conclusion? Je ne suis pas arrivé à la conclusion. Tu n'es pas encore arrivé. Mm-hmm. Il pose la question. Tu m'avais dit une fois ici, tu nous avais dit une fois ici là que tu as reçu la visitation du Saint-Esprit. Oui, j'ai reçu. Oui, la visitation du Saint-Esprit. Continue, je vous écoute. Non, tu avais dit cela, n'est-ce pas? J'avais dit cela. C'est pas toi qui avais dit que tu as eu un songe. Oui, que j'ai eu un songe, oui. Et je t'ai posé la question ce jour-là. Est-ce que c'est le Saint-Esprit qui t'a dit oui ou non? Tu as dit c'était lui, non? Oui. Ok. Le Saint-Esprit t'a-t-il conduit maintenant dans toute la vérité? Me non, suis la question, réponds oui. À la question. Oui. Le Saint-Esprit, oui. Avant de venir ici, tu étais où? J'étais là-bas ailleurs. Et qu'est-ce qui t'a fait quitter là-bas? Parce que je suis à la recherche de la vérité. Tu le recherches, tu la recherches. Je suis à la recherche de la vérité. Qui t'avait conduit là-bas? C'est le Seigneur. Donc celui qui t'a conduit dans le mensonge? Dans le mensonge. Je peux dire que oui, parce que pour qu'il puisse dire un Dieu conduit quelqu'un dans le mensonge? Non. Il a dit qu'il viendrait vous conduire dans le mensonge ou dans la vérité. Dans la vérité. Et bon, suis bien ma question. Parce que j'arrive oui, là, parce que c'était le problème que tu as posé, c'est un grand problème au milieu de l'église. Mm-hmm. Qui t'a conduit là-bas? Là-bas où? Là où tu étais avant de venir ici. Je vais dire que c'est le Seigneur. Non, tu dis c'est le Seigneur ou bien tu peux dire que c'est lui. Je veux dire que c'est le Seigneur. Donc il t'a conduit dans le mensonge. C'est pas le mensonge. C'était la vérité. Vu que j'étais baptisé là-bas. Non, c'est pas le baptême. Donc suis attentivement. Donc le Seigneur. Donc ça veut dire par exemple, quand Dieu a choisi l'apôtre Paul, il avait d'abord, quand il a choisi l'apôtre Paul, il l'a appelé, il l'a fait passer chez les pharisiens, puis aller chez les sadducéens, puis aller chez ceci, et puis avant de sortir, quand il a choisi l'apôtre Paul de chez les pharisiens, il y est allé encore. Donc pour cela, les frères, oui. Il veut vous poser une autre question. Non, réponds seulement, ne fais pas. Il veut répondre par une question. Non, réponds directement en avant, ne fais pas, ne me tourne pas. Quand il a choisi un des disciples dans la Bible dont tu as cité là, un de ces disciples-là a été détourné de la vérité une seule fois. Non. Quand il t'a choisi, en te parlant par le songe, il t'a conduit au lui. Okay. Saint-Esprit. Oui. En me parlant dans le songe, de quel songe vous parlez d'abord? Que je veux savoir. Des questions? Avez-vous des questions? Oui, frère. Allons-y. Je désire savoir que penser des témoignages que les gens donnent un peu de partout, soi-disant comme étant des visions que le Seigneur les a conduits en enfer pour voir les hommes en train de mourir. Parce que, en fait, j'ai reçu un message comme ça aujourd'hui. Alors, pendant que j'étais en train de méditer, il m'est revenu que dans tous les passages de la Bible que j'ai lus, les gens que le Seigneur a visités, il les a fait voir sa gloire, sa sainteté. Or, comment aujourd'hui, Dieu, au lieu d'amener les gens là où ils se trouvent pour voir l'état de la pureté dans laquelle ils se trouvent, va plutôt les conduire là où il y a le feu, là où les gens brûlent. Ouvrez Ésaïe chapitre 14, voir. Allons-y. Rapidement, pour qu'on voit ce que le frère est en train de dire, là, on développe ça, c'est intéressant. Celui-ci pose une bonne question, il veut développer, mais il est en train de faire comme ça. Ésaïe 14, rapidement. Qui est Frère Blessu, hein? Ok, bah, frère, à partir du verset 12, allons-y. Écoute maintenant. Ça, voici un problème au milieu de l'église, une fois de plus. C'est le témoignage, mais on va voir quelque chose. Verset 12 et suivant. Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Qui écrit ceci? Qui a écrit ça? Là, il a de voir la chose s'est passée, se dérouler où? C'est qu'il a de voir. L'événement qu'il a de voir, ça se déroule où? C'est une vision dans le ciel. Dans le ciel. Ok, donc ça lui dit, te voilà tombé, astre brillant. Il le voit quoi? Continuons. Fils de l'aurore, tu es abattu à terre. Il est surtout où maintenant? À terre. Continuons. Toi, l'oppresseur des nations. Oui. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel. J'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assierai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur le sommet des nues. Je serai semblable au Très-Haut. Mais tu as été précipité dans le séjour des morts. Et le roi maintenant où? On va le suivre là-bas, allons-y. Dans les profondeurs de la fosse. Où est-ce qu'il se trouve? Dans les profondeurs de la fosse. Continuons. Ceux qui te voient fixer sur toi leur regard. Donc il a même allé jusqu'à voir même les gens qui sont en train de le voir à l'intérieur. Amen. Donc faites attention à la façon de vous poser des questions de la Bible. Ce qui concerne la Bible. Je sais qu'il y a beaucoup de choses qui sont embrouillées. Continuons, c'est pas terminé. Il te considère attentivement. Donc il a même vécu la scène qui se passe à l'intérieur du séjour des morts. Donc il a commencé à le voir depuis où? Le ciel. Depuis le ciel, comment il tombe, il le voit, il voit ce qui se passe maintenant dans le séjour des morts. Et dans le séjour des morts, il voit les choses qui s'y passent. Allons-y, frère. Est-ce là cet homme qui faisait trembler la terre? Donc, quand Satan va descendre là-bas, jusqu'à cet endroit là-bas, il voit ce qu'il en est, comment les gens disent, mais c'est le bout d'homme-ci qui dérangeait tout le monde entier comme ça. Continue. Qui ébranlait les royaumes, qui réduisait le monde en désert, qui ravageait les villes, et ne relâchait point ses prisonniers. Bon. Ce que Isaïe voit là, c'est la gloire de Jésus. Ce que Isaïe décrit là, c'est la voix, la septuple gloire de Jésus et les astres du ciel. Quel est l'intérêt donc de Dieu de donner ceci, c'est comme passage? Apocalypse chapitre 1. Apocalypse le chapitre 1. À partir du verset 17. Il est écrit, quand je le vis, je tombais à ses pieds comme mort. Oui. Il posa sur moi sa main droite en disant, ne crains point, je suis le premier et le dernier. Oui. Et le vivant. J'étais mort et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Oui. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Stoppons là-bas. Donc, la personne qui se présente dit qu'il tient quoi? Il manque une clé entre ses mains. N'est-ce pas, frère? Il lui manque une clé. Pendant qu'il parle là, il a un trousseau de clés. Parce qu'il y a une clé. Il dit que j'étais mort, je suis vivant. Je tiens la clé de et du séjour des morts. Il manque une clé. Hein? Si ça manque, ça veut dire que c'est entre, c'est où? C'est pas ça, hein? Il lui manque une clé. Il a bien dit là que je tiens la clé. Il a deux sites de clés qu'il tient. La clé de la mort et du séjour des morts. Quand on prend une clé, c'est pour faire quoi, frère? Ouvrir ou fermer. Bon, maintenant, la clé qui manque, c'est quelle clé d'abord? La clé qui manque, c'est quoi? C'est quelle clé, frère? La clé? La clé du royaume. Mais où est cette clé? Ça se trouve sur la terre. N'est-ce pas, frère? Oui. Voilà. Parce qu'il a remis avant de partir. Que vous pouvez ouvrir. Vous devez ouvrir pour que les gens puissent entrer. Maintenant, il est parti avec l'autre. Pourquoi il est parti avec ces deux-là, frère? Il était question qu'il libère les gens qui étaient captifs là-bas. N'est-ce pas? Exactement. On dit qu'il est allé dans le séjour de mort. Il a fait demander qu'il sorte, non? Exactement. Bon. Quand il se présente, il dit que je tiens la clé de la mort et du séjour de mort. Ça pense qu'il fait vivre et il fait mourir. Il peut faire aller les gens là-bas, il fait sortir. N'est-ce pas, frère? C'est donc ce qu'il a montré à Isaïe. Il pouvait montrer à Isaïe ce qui se passe à l'intérieur. Mais maintenant, voici ce qui montre premièrement le faux témoignage au nom du Seigneur Jésus-Christ dans cette époque simile. Voici donc. Notez 2 Pierre chapitre 2. Je vais vous montrer quelque chose pour vous y aller. Un de ces jours, on va revenir en plein là-dedans. Et ne ratez pas ceci. Notez 2 Pierre chapitre 2, verset 1 à 19. Voici donc ce qui montre la différence entre le témoignage biblique et le témoignage qui ne vient pas du Seigneur. Je peux y aller? La cupidité. La cupidité. Vous allez voir des gens qui vont faire des témoignages dans les assemblées qu'il était d'abord chez les satanistes et que maintenant Jésus-Christ l'a délivré. Et il dit maintenant qu'il commande par exemple, il commandait des démons. Que si vous venez donner les enveloppes ici, il va prier, il va chasser les démons vous concernant vos activités. Après, ils écrivent lui ce témoignage que Dieu lui a demandé d'écrire ce témoignage-là pour édifier l'église. Ce témoignage-là, il dit que les gens achètent cela à 5000 francs. C'est la sorcellerie. Même s'il dit n'importe quoi, il faut comme ça. Ce mur, s'il se fend, son témoignage est contre la Bible. Même s'il dit n'importe quoi. Parce que ce que nous venons de prendre comme renseignement du prophète Isaïe, c'est un témoignage. Isaïe n'a jamais vendu cela. L'apôtre Paul a raconté son témoignage dans 2 Corinthiens chapitre 2, chapitre 12. Il dit, je connais un homme en Christ qui a cela 14 ans, fut ravi au ciel. Il a vu son témoignage. A-t-il vendu? Non. Apocalypse, là où nous sommes allés lire. Il dit qu'il était à l'île de Palmos. C'est le plus grand des témoignages de la Bible là-bas. Dans le Nouveau Testament. Il dit, il a donné le dévoilement jusqu'à montrer comment les nouveaux se sont venus. A-t-il vendu? Non. C'est seulement les chrétiens de notre époque qui vendent tout ce qui concerne Dieu. Donc, ce n'est pas le Dieu de la Bible qui a inspiré ceux-là, qui leur a inspiré cela. Même si ça semble être aligné avec la Bible. La cupidité. Vous y êtes? Écoutez certainement, je préfère prendre la Bible. Nonobstant tout ce que les gens peuvent dire, prends ce que la Bible dit, même si quelqu'un dit n'importe quoi. Satan est assez vrai pour faire ce qui est proche de la Bible. Donc voici donc le signe pour savoir si quelqu'un témoigne le premier, si quelqu'un vient de Dieu et que le témoignage est vivant et doit être pris en considération, c'est que les outils des éléments de son témoignage ne soient pas liés à la cupidité. Parce que Dieu nous a dit que c'est pas cupidité, ils trafiqueront de vous au moyen des paroles trompeuses. Donc le but de son témoignage, de ces paroles qui vont sortir, c'est la cupidité. On va amener un homme de Dieu qui vient de Kinshasa. Il a servi chez Satan pendant plusieurs années. Il était le bras droit de Satan. Maintenant, il a été délivré par la grâce du Seigneur Jésus-Christ maintenant. Il va donner son témoignage. Maintenant, l'homme de Dieu à l'hôtel, ce que vous voulez faire pour le voir, enregistrez-vous, c'est 10 000 francs. Vous entendez ça, frère? Vous entendez ça? Donc maintenant, c'est, C'est ça qui a pignon sur eux au milieu chrétien aujourd'hui. Vous savez pourquoi? Parce qu'on a laissé les saintes écritures. On a laissé les saintes écritures pour aimer vivre les sensations. Vous voulez ces sensations? Satan va vous en produire. Il n'a jamais dit, il n'y a jamais dit dans ces saintes écritures-là qu'on se fie au témoignage. La Bible a été transmise. Dans Jean chapitre 20, verset 31 et autres, il dit que ces choses sont écrites afin que vous croyez que Jésus est le Fils et qu'en croyant vous ayez la vie en son nom. L'Apocalypse chapitre 1, verset 3, il dit « Heureux ceux qui lisent et ceux qui gardent les paroles de ce livre. » N'est-ce pas, frère? Voilà. Dans le chapitre 22, verset 18 et 19, il dit que « Je le déclare à quiconque entend les paroles du livre de ces prophéties. » Si quelqu'un ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fleurs décrits dans ces livres. Si quelqu'un retranche quelque chose, Dieu retranchera sa part des fleurs. Donc, c'est tellement parfait que rien ne doit y être ajouté. Maintenant, le Seigneur me montre quelque chose. Peut-être un... J'ai dit le Seigneur, entre guillemets. Voici la révélation sur le diable qui attaque le mariage. J'écris, priez contre les esprits de votre mariage. 5000 francs. Ok. Si l'apôtre Paul vendait, on écrit ici, regardez, quand il prend ma Bible, je vois ici, Ancien Testament, Louis II, et d'autres personnes, vous allez prendre, on dit, toute reproduction. Ah, voici ça, tout droit de reproduction et adaptation réservé pour tout le pays. Donc normalement, pour qu'il cite ces versets, c'est quelque part, il faut qu'il demande l'autorisation à Genève. Je ne ferai jamais de telles choses. C'est-à-dire que même si vous mettez le fusil ici, que si tu utilises ça dans un endroit, tu cites ces Bibles, il faut citer la source. Je ne ferai jamais ça parce que c'est mon père qui a écrit cela. Il n'y a aucun être humain sur la terre qui a autorité pour dire que la Bible, si, c'est sa version, c'est sa propriété intellectuelle. Personne. Il dit, c'est les œuvres de votre vie, vous savez, les œuvres comme les œuvres de la mathématique, de votre vie quotidienne, vous pouvez faire ça là-bas. Mais c'est en ce qui concerne celui-ci. Le Seigneur a dit, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Donc tout ce qui est attaché ou on fait n'importe quoi pour vendre, c'est de la sorcellerie en milieu chrétien. Alors voici donc les disciples. Il y en a 44 auteurs qui ont écrit cela. Personne n'a jamais vendu son rouleau. Pour Jérémie, on a détruit cela. Il a dit, il s'est tenu encore là, le même esprit est venu sur lui. Il a dit à Baruch de recopier encore les mêmes choses. N'est-ce pas, frère? Recopier les mêmes choses. Il n'a pas dit allez vendre. On a distribué. Quand il a donné à l'Apocalypse chapitre 1, il dit ce que tu vois, écris-le et vends-le à cette église qui sont en Asie. N'est-ce pas, frère? Il a dit qu'on vend aux sept églises d'Asie. On fait quoi? Dans Colossiens chapitre 4, verset 15, l'apôtre Paul dit que quand cette lettre vous sera lue, achetez ce qui vient aussi de l'église de l'Odyssée. C'est ça? Alors, c'est nos apôtres aujourd'hui que Dieu s'est réveillé en me disant que non. Si ils ne vendent pas, ils ne vont pas avoir l'argent pour faire mon ministère. Dieu a dit ça. C'est la nouvelle révélation. C'est-à-dire que s'ils ne vendent pas les œuvres que je leur donne, ils ne pourront pas avoir l'argent pour aller prêcher l'évangile dans le monde entier. On appelle ça soutenir le ministre. Le ministère. Dieu se réveille aujourd'hui qu'il faut soutenir le ministère. Sans argent, on ne peut pas faire le ministère. Un Thessalonicien. J'aurais souhaité passer le temps pour vous parler de ces choses. Donc, vous allez voir quelqu'un. Si quelqu'un se tient là-bas, ouh, c'est un grand. J'étais d'abord sorcier, je connais les secrets de la franc-maçonnerie. J'étais juste allé dans les entrailles du diable. Ce n'est pas le problème là-bas. Et beaucoup de ceux qui se trouvent en milieu chrétien sont des francs-maçons envoyés. Il y a ce qu'on appelle la franc-maçonnerie l'état de sommeil. C'est-à-dire que les gens qui sont envoyés en mission, ils sont avec les francs-maçonneries. On leur donne clairement la mission d'aller même sur les antennes radio pour dénoncer la franc-maçonnerie, pour amener les gens là-bas. Donc tu dis que oui, celui-là parle contre la franc-maçonnerie. Quelqu'un ne peut pas parler comme ça, étant avec eux. Et tu es exactement chez les francs-maçons. Après, se rassemble en assemblée le soir, il dit que les moudons sont tombés. Un Thessalonicien chapitre. Allons-y, chapitre 2 là. Faites attention. Restez dans la parole. Gardez la parole. Restez dans la parole. Si quelqu'un s'éloigne, dites qui parle, il vous laisse derrière. Si vous avez la parole, quelqu'un de s'éloigner de la parole. Dites-lui, mon frère, éloigne-toi. Je suis carré ici dedans. Amen. Chapitre 2, regardez. Il dit, premier épître aux Thessaloniciens, chapitre 2. Vous savez vous-même, frère, que notre arrivée chez vous n'a pas été sans résultat. Après avoir souffert et reçu des outrages à Philippe, comme vous le savez, nous prîmes de l'assurance en notre Dieu pour vous annoncer l'évangile de Dieu au milieu de bien de combats. Car notre prédication ne repose ni sur l'erreur, ni sur des motifs impurs, ni sur la fraude. Mais selon que Dieu nous a jugés dignes de nous confier l'évangile, ainsi nous parlons non comme pour plaire à des hommes, vous y êtes, mais pour plaire à Dieu qui sonde nos cœurs. Jamais, en effet, nous n'avons usé des paroles flatteuses, vous y êtes, comme vous le savez. Nous avons vendu nos livres parmi vous, afin que le ministère puisse aller. Jamais nous n'avons eu. C'est ce qui est écrit, n'est-ce pas? Ou bien il a dit que ses livres ont été vendus en clair. Non, non. Quand les pasteurs d'aujourd'hui parlent du succès de leur ministère, c'est quand ils sont allés quelque part. S'ils viennent, comment mon père? Et ils ont eu beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent. Il dit que le ministère marche. Mm-hmm. Là, il peut prophétiser. Maintenant, tu auras le jeu. C'est une femme de la Côte d'Ivoire qui me disait aujourd'hui qu'il y a un Camerounais là-bas en Côte d'Ivoire. Quand il venait à la maison, il dit, quand je suis dans votre maison, personne ne commande en dehors de moi. Mm-hmm. Et ton mari. Uh-huh. Il dit que je mange à checker. Tu prépares la tête du poisson. Elle avait dit que non, c'est sûr qu'on ne parle pas contre un serviteur. Donc quand le gars venait là-bas, il dit qu'il boit la coca. Donc il mangeait tête de poisson à checker avec un coca à chaque fois. Elle a commencé à contribuer. Quand on contribue, elle a dit que tu vas voir le jet privé. Et quand elle est partie, elle a dit que mais jet privé, il veut garer ça où? Quand on garde le jet privé, il va garer le jet privé où? Parce qu'ils l'ont dit, ce qu'ils entendent. La Bible déclare dans ce livre de Jérémie là, qu'ils prophétisent lorsqu'ils ont. Ils donnent quoi quand ils déclarent la guerre quand? Son amant. Alors quand Dexembre arrive comme ça, il regarde son répertoire, il dit que c'est qui? Il regarde ceux qui sont riches. Tu essaies de la biper et que tu as tourné depuis des années là, tu as pris, il n'y a pas l'emploi. Quand tu bipes, il te renvoie, il dit que fous-moi le camp. Il guette celle-ci qui a l'argent. Bip, ma fille, j'ai une révélation pour toi. Souviens-toi qu'on ne vient pas chez les serviteurs, les mains vides. Voilà ce qu'on a. Et l'apôtre Paul dit ici que jamais nous n'avons eu de motif de cupidité. De fraude. Il n'y a pas de fraude. Et regardez encore. Verset 5, jamais en effet nous avons usé des paroles flatteuses, comme vous le savez. Jamais nous n'avons eu la cupidité pour mobile, Dieu en est témoin. Nous n'avons point cherché la gloire qui vient des hommes, ni de vous, ni des autres. Nous aurions pu nous produire avec autorité comme apôtre de Christ. Vous y êtes. Donc, tout témoignage. Et la Bible n'est que des séries de témoignages. Parce qu'il a dit, vous serez mes témoins. La chapitre 10 que nous avons lu tout à l'heure, là, l'apôtre Paul, on montre la vision que l'apôtre Pierre a eu, c'est un témoignage. Voilà son témoignage écrit. Ce que tu as écrit tout à l'heure, chapitre 16, c'est ce qu'il a fait sur le témoignage. Quand ils sont rentrés à Jérusalem, ils ont rencontré ce que le Seigneur a fait au travers des païens. Mais aucun d'eux n'a jamais vendu. C'est seulement aujourd'hui qu'on a compris que pour avancer avec l'œuvre de Dieu, il faut l'argent. Et Dieu avait dit clairement que vous ne pouvez pas le servir avec maman au milieu. Il y a même des réunions pour contribuer. On dit que tel groupe, le groupe de jeunes, vous allez donner. Chacun, le groupe de femmes, vous allez donner. Hein, papa? Les hommes contribuent. Chacun contribue. Et vous voyez comment les gens souffrent. On vous dit que tel son, n'atteignez pas tel son. La prédication est centrée sur l'argent, la collecte. Vous voyez comment la maison de Dieu est détruite. Il faut acheter la climatisation. C'est la maison de Dieu là-bas. Non. La maison de Dieu, c'est notre corps. C'est notre corps. Premier motif. Deux pièges chapitre 2, dont j'ai cité au verset 1. Il y a eu parmi les peuples de faux prophètes. Il y aura parmi vous des faux docteurs qui introduiront des sectes pernicieuses et qui, régnant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine. Plusieurs les suivront dans leur dissolution et la voie de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Par cupidité, ils trafiqueront de vous. Vous savez ce que veut dire trafiquer, frère? Ils feront le commerce en vous donnant des paroles trompeuses. Voilà, c'est en plein milieu chrétien prophétisé. Mais les gens ne voient pas que c'est ça dont il est question. Plusieurs viendront avec des doctrines des démons. Donc, les démons vont venir donner des inspirations au milieu chrétien qu'on enseigne. Je suis allé en enfer. J'ai vu tel président qui était en enfer. Il a dit que sur la terre, que quitter son pays. J'ai vu telle autre personne. Il a dit que continuer à lire la Bible. Mais Abraham avait dit, l'autre, il y a dans l'autre livre de Luc, chapitre 19, quoi, chapitre 16, verset 19 à 32, 31. La Bible déclare que quand le monsieur a discuté avec Abraham, il lui a même dit comment la vraie prédication sur la terre va se passer. Ah, Abraham, pardon, envoie Lazare pour qu'il mette un goutte d'eau pour m'aider parce qu'il souffre cruellement. Il dit non. Tu as ta langue. Je dois souhaiter par ce temps pour parler de ces choses-là. Alors, tu es sur la terre, souviens-toi que tu avais beaucoup de tes biens et Lazare souffre, maintenant il est ici, non, consolé. Quand il a vu que son cas était terminé, il a dit, ok, pardon, dans ce cas, envoie Lazare, non, sur la terre. C'est que dans la maison de mon père, j'ai 5 frères. Ils vivent ce style de vie-là, c'est pour les avertir pour qu'ils ne viennent pas ici. Non, laisse, ne t'inquiète pas pour eux. Sur la terre, il y a des gens qui le font déjà. Ils ont Moïse et les prophètes. Écoutez bien, qu'ils les écoutent. S'ils ne les écoutent pas, ils ne se laisseront pas persuader quand même un homme ressusciterait des morts. C'est ce qui est écrit dans la Bible. Donc, si on lit la Bible comme ça, vous ne parlez pas à croire jusqu'à y tenir. Ce n'est pas les sensations fortes de Elie Wood que vous allez croire. On ne peut pas croire cela. Vous savez ce qui va arriver? On va préparer ce style de témoignage en mettant le piano à côté. En mettant les images de l'enfer. Voici les images de l'enfer qu'on a demain. Ah! On pense, tu vois, ça va t'effrayer. C'est pour un temps. Quand tu sors là-bas, tu bois le jus deux fois. Tu manges la manette deux fois, tu oublies les bêtises. Tu vas sortir là comme ça. Chacun va sortir crispé. Parce que ça a effrayé sa chair. Dieu ne veut pas nous effrayer. Non, c'est pas ça. On ne flatte pas les gens pour qu'ils croient. Tu ne flattes pas. Si tu es de lui, tu viendras. Vous comprenez? Et la façon, c'est la parole. Il n'a pas dit qu'il a amené les gens par la prédication de l'enfer. Il a dit que vous avez cru, vous avez été élu et vous avez été appelé par la prédication de l'évangile. D'accord? Donc la majorité de ces témoignages sont des faux témoignages pour le nom du Seigneur Jésus. Parce que c'est bien, ça marche. S'il fait le faux témoignage, s'il fait le témoignage au nom de Satan, tu achèteras 23 minutes en enfer. 90 heures en enfer et 2 heures quoi au paradis. Jean, il a fait 2 ans. 2 ans, durant 2 années où il a eu la vision de l'Apocalypse. 2 ans. Voilà, c'est complet. Il a vu comment Satan est lié, vu comment il est sorti, vu comment il a jeté le faux prophète, vu comment la mort sont ressuscités, vu. Tout est complet là-dedans. Vu comment la nouvelle terre a apparu, c'est complet. J'en prends cela. D'accord, frère? Donc, la cupidité, premier mobile. Donc, ok, le support. Il faut que mettre ça sur CD, on va vendre. Bon. Vous savez que les supports là, c'est pas moi qui les a. Il faut que je vende pour cela. Ok. Ceux qui écrivaient, c'est quand les apôtres écrivaient là. Le support là, c'est eux qui fabriquaient. Non. Donc il n'y a pas de justification pour avoir de l'argent. Ok. Comprendre la plénitude du Saint-Esprit, bien aimé. Si vous lisez ce livre-ci. Aïe, je prophétise dans ta vie. Ma sœur dit que donne-moi deux. Il y a pour moi et pour moi. Donne-moi deux. Il y a pour moi. Il y a un petit blanc. Tu lis, on t'embrouille. Finalement, tu ne sais même plus quelle est la voix du Saint-Esprit. Proverbe chapitre 22, ouvrez. Après, ils rentrent à la maison, ils se partagent l'argent, ils se gâtent entre eux. Proverbe chapitre 22. Ils disent qu'on avait dit que si le fonds entre, j'ai 50%. Comment tu me donnes maintenant 25%? La bagarre entre les pasteurs. Ça, il faut que seulement que vous regardez ce qui se passe en arrière-plan. Vous allez avoir pitié de l'argent que vous donnez. Non, non, je ne veux pas savoir ce qu'ils font là-bas. J'arrive avec cet enseignement-là. Vous devez savoir ce qu'ils font là-bas. Je ne veux pas savoir ce qu'ils font là-bas. S'ils font, moi, je sais que je donne à Dieu. Prends la semence, pas semer sur le ciment. Tu dis que tu ne sais pas ce que tu es semé, que ça pousse, on voit. Chapitre 22 du Proverbe. À partir du verset 17, mon frère, allons-y. Prête l'oreille et écoute les paroles des sages. Oui. Applique ton cœur à ma science. Oui. Car il est bon que tu les gardes au-dedans de toi. Vous avez entendu, frère? Continue. Et qu'elles soient toutes présentes sur tes lèvres. Vous avez entendu? Afin que ta confiance repose sur l'Éternel. Vous avez bien suivi, non? Donc, il dit que tu prêtes l'oreille pour écouter ces paroles-là. Il est bien que tu les gardes où ça? Quand tu vas garder dans ton cœur, que ce soit présent sur ta bouche, que tu ne parles que la parole que Dieu a déjà dite. Et quand tu vas finir de dire cela, ta confiance va se reposer sur... Continue, ce n'est pas terminé. Je vais t'instruire aujourd'hui. Le pasteur. Toi. Il va instruire le pasteur. Il dit qu'il va instruire qui? Voilà. Allons-y. N'ai-je pas déjà pour toi mis par écrit des conseils et des réflexions? Il a mis ça où? Par écrit. Ferme la Bible. Des questions? Posez toutes vos questions. Oui, mon cher. Ma question est la suivante. Est-ce que, en milieu chrétien, pouvons-nous aller rendre visite aux prisonniers avec peut-être des dons? Ouvre la Bible. Un exemple, je vais finir ma question. Oui. Avec des dons. Or, sachant que dans notre milieu chrétien, nous avons des frères et des sœurs qui n'arrivent même pas parfois à mettre presque un plat de nourriture constamment. Mais nous portons des présents, pas de nos prisonniers. Je ne sais pas si c'est normal. Ouvre la Bible donc, comme tu as complété ta question. Chapitre 13 d'Hébreu. Hébreu, le chapitre 13. Hébreux chapitre 13, hier frère, lis les trois premiers versets. Persévérez dans l'amour paternel. N'oubliez pas l'hospitalité. Souligne d'abord ça. Tu as suivi ça? Continuons. Car en exerçant, quelques-uns ont logé des anges sans le savoir. Oui. Souvenez-vous des prisonniers. Oui. comme si vous étiez aussi prisonnier. Voilà. Ok, ça, c'est bon, c'est bon. Maintenant, où est effectivement que ici, premièrement, il parle de l'hospitalité. Ce qui rejoint ce que tu as dit dans le deuxième volet. Puis il parle des prisonniers. Dans Galates chapitre 6, le verset 10, la Bible déclare que nous ne lassons pas de faire le bien. On fait le bien à qui? Aux chrétiens seulement. Non. Et particulièrement aux frères. Donc ça veut dire que le fait que tu peux donner aux prisonniers ne te dérobe pas de donner aux frères. Parce qu'au quotidien, comme on dit, c'est une vie quotidienne, frère. Le style de vie chrétien, c'est pas qu'on n'est pas un chrétien momentanément. D'accord? Voilà. Des questions? Oui. Ici, on avait une question. C'était par rapport au rappel qui se fait de d'abord poser là. Tu as posé quelle question? Tu avais dit que c'était la remarque. Tu as fait le constat. Quand tu fais le constat, nous avons constaté tous. Est-ce qu'il y a un problème? Des questions? J'ai dit que si vous avez le temps, si vous me donnez le temps, prenons ici maintenant. Oui, mon frère. Donc, ma question serait peut-être une tautologie. Oui. Parce que je voulais seulement dire qu'est-ce qu'on nous dirions des gens qui viennent peut-être dans une assemblée et qui disent qu'ils ont ils prêchent l'évangile, ils disent il y a des gens ici qui refusent de se repentir. Oui. Il y a quelqu'un ici qui a avorté, il y a quelqu'un qui a fait ceci, et puis ces gens-là s'élèvent. Oui. Et qui correspondent à ce que le prédicateur a dit. Oui, même maintenant, si même là, il dit qu'il y a quelqu'un ici qui a avorté, quelqu'un s'élèvera ici. Ça ne peut pas manquer, oui. Ça ne peut pas manquer. C'est pour ça que j'ai dit que c'est une continuité. Bon, j'ai seulement voulu que vous en commentez. Il commande. Ce qui est, c'est ce qu'on constate, les tautologies et les bêtises au milieu chrétien. Voilà. C'est clair, pas vrai? Moi, je dis donc que ce sont des fausses révélations. Voilà. Parce que le Seigneur s'est révélé aussi à Caïn. Oui. Caïn n'était pas infidèle à Dieu. Exactement, et à Pharaon. Et à Pharaon. Voilà. Donc, on ne doit pas se fier parce que... Mais si tu observes comme ça et que tu es comme ça, ça veut dire qu'on ne peut pas te tromper. Ou bien on t'a déjà trompé, on t'a déjà traité ici dehors. Non. On ne peut pas te tromper. C'est ce que je vois un peu partout. Et que je me sens parfois même... Mais on n'a pas des amis pasteurs. Hein? Pourquoi vous les fuyez? Il y en a, mais nous ne nous entendons pas. Pourquoi? J'ai des collègues, parce qu'ils prêtent des choses comme ça. Bienvenue, que le Seigneur vous bénisse. Oui, mon cher. La question d'un chrétien, est-ce normal que un homme qui recherche le Seigneur va d'assemblée en assemblée pour se retrouver? Où est que il est revenu? Il a tourné, il est revenu à ça. Parce que c'est lui qui est tombé dans son propre piège. Dieu a demandé qu'on le cherche où? Dieu a demandé qu'on le cherche où? Où est-ce qu'il a demandé qu'on le cherche? Ouvre le livre d'Amos. Rapidement, je prophète Amos. Amos chapitre, prenons chapitre 5. Amos chapitre 5. C'est toi qui as posé la question. Allons-y, verset 4, qu'est-ce que ça dit? Car ainsi parle l'Éternel à la maison d'Israël. Cherchez-moi et vous vivrez. Ne cherchez pas Bethel. N'allez pas à Gilgal. Ne passez pas à Beersheba. Car Gilgal sera captif. Quand tu lis là, tu comprends que Dieu en vérité dit quoi? Là. Relis encore, frère. Quand tu ne comprends pas, tu relis. Allons-y. Car ainsi parle l'Éternel. Oui. À la maison d'Israël. Bon, on va prendre un exemple pour que tu bien comprendre. Parce que quand tu lis à la maison d'Israël, quand tu vas voir Israël, tu mets ton nom, d'accord? Voilà. Et quand tu vas voir un nom par la suite, tu mets le nom des assemblées comme tu as déjà vu avoir. D'accord? Allons-y maintenant. Allons-y. 1, 2, 3. Car ainsi parle l'Éternel à la maison de Huisson. Oui. Cherche-moi et tu vivras. Oui. Ne cherche pas. Comment tu dis, comment tu commences à rire? Je ris parce que oui. Partout où je suis passé, on ne m'a jamais donné de nom là-bas. Oui. Je n'ai jamais vu une plaque. Oui, continue. C'est un véritable problème. Donc, je ne sais pas qu'elle n'a pas mettre ici. Mais tu ne connais pas. Hein? Continue. Ne cherche pas. Ne cherche pas Bethel. Au moins, Bethel, on connaît, n'est-ce pas? N'allez pas à Winner Chapel. Donc, tu connais aussi ça. Ne passez pas à Catholique. Voilà. Car Catholique sera. Captif. Voilà, c'est bon. Mais là, tu vois, quand tu dis, c'est façon, tu as compris ce qu'on dit, non? Tu comprends? Voilà. Mais qu'est-ce qui pousse alors aux hommes du. Là, c'est lui qui pose la question. Toi, quand tu partais, qu'est-ce qui te poussait? C'est ça le véritable problème, c'est que j'accepte que. Moi, je ne sais pas. Parce que moi, je ne sais pas, je ne comprends pas. Ouais, c'est à toi de nous dire, parce que tu as expérimenté ça. Moi, je n'ai pas expérimenté, donc toi, tu as expérimenté. Tu es allé de lieu en lieu. Qu'est-ce qui donc te poussait ton expérience? Donc, le véritable problème, c'est que. Oui. Tu as dit ça, c'est parce que. Quand je partais de lieu en lieu, oui. Je retenais un enseignement. Oui. Hein? Oui. Je pouvais arriver ici. Non, non, non. Tout sur la terre enseigne. Oui. Même si tu pas chez le sorcier. Mm-hmm. Quand tu pas chez le marabout, tu vois qu'on lance des courriers. Oui. Tu vas remarquer que la courrier a une forme. La forme, là, peut t'enseigner. Mm-hmm. Là, n'est pas le problème. Le problème, c'est est-ce que la parole de Dieu, c'est la méthode? C'est la méthode? Tout, le monde est gâté, vraiment. C'est pas aujourd'hui. Le monde est vraiment gâté. La plus grande bêtise qu'un homme puisse faire, c'est de se foutre dans la religion. C'est la plus grande. Vous pouvez sortir du monde. Vous sortez du monde. Vous emprisonnez de façon indélébile dans la religion. C'est la plus bêtise, autre bêtise qu'un homme puisse faire. La plus grande prison de l'âme, c'est la religion. C'est la religion. C'est donc pour cela que vous pouvez aller donc vers quelqu'un qui prêche la Bible. Hein, vous lui dites la vérité, il refuse. Enfin, regardons très attentivement. Regardons dans la Bible quand Jésus est venu. Quand il est venu. Les personnes qui le reconnaissaient, ce sont ceux qui étaient éloignés de la Bible. Mm-hmm. N'est-ce pas, frère? Amen. Pierre, tu as vu Pierre en train de lire une Torah quelque part? Il était dans le poisson, il avait poursuivi le poisson, poursuivi le poisson. Il le reconnaît. Mais la personne qui lisait la Torah, chaque fois, il guette comme ça. Là. Il dit que celui-ci, non, il mange sans se laver les mains. Mm-hmm. Juste qu'il fait quelque chose, finalement, il ne voit plus ce que la Bible disait. Mais c'est plein qui l'ont reconnu. Qui, comme qui, par exemple? Qui? Nicodème a reconnu sa part, il a reconnu sa notre autorité. Tout comme il y a des gens qui ont aussi marché de lui à lui, ils l'ont finalement pas reconnu. Et les gens qui ne sont pas allés de lui à lui, ils l'ont aussi reconnu. Tu vois cela? Donc en réalité, ce n'est pas comme ça. Les hommes, Dieu doit les appeler. Dieu doit les appeler. Et que vous le vouliez ou pas, avant que Dieu ne vous appelle, vous servez le diable. Donc ce n'est pas le problème de l'assemblée à l'assemblée. Tu crois des choses, il y a des choses que tu crois dans la vie. Sais-tu que quand tu crois à la philosophie, ce qu'on enseigne à l'école là, ça c'est de l'idolâtrie moderne. Tu sais ça, frère? La philosophie, c'est la vie de l'amour de la sagesse, non? La Sophia, n'est-ce pas, mon cher? Tu ne savais pas cela? Je ne comprends pas bien. Ok. Le sens de ce que vous dites. C'est juste en train de dire que ce sont des inspirations démoniaques. Comment on est d'enseigner aux gens comme ça là? La philosophie était sont données par des divinités inspirées et ils avaient des porte-paroles, des évangélistes dans le grec. Ils ont fait ça, on a adopté ça maintenant dans l'enseignement. Donc ce qu'on enseigne là sur le satanisme, qu'on enseigne aux enfants, ils valident, ils ont des diplômes. Donc on peut dire sans risque de se tromper que quand tu valides un bac en philosophie, tu es certifié comme un grand bachelier en sorcellerie. D'accord. Voilà, c'est ça dont je viens de parler. Alors donc, ça veut dire que tu peux dire non, je ne suis pas dans la religion, mais tu es en plein dans le satanisme. Satanisme officiel, où on signe ton diplôme, le ministre signe. Tu peux trouver le travail avec ce satanisme-là. Alors, maintenant, mathématiques, même chose, c'est l'initiation avec des cercles exotériques. Pour que tu puisses savoir comment disparaître, comment tracer les choses pour pouvoir faire des choses aux gens dans l'esprit des gens. C'est ça la mathématique. N'est-ce pas, mon cher? Qu'est-ce que tu vas faire pour nos enfants maintenant? Si c'est que tu as donné la bonne conclusion que le monde est gâté. Des questions? Oui, mon frère. Épuisez toutes vos questions pour que je puisse parler. Oui, mon frère. J'écoutais un enseignement aujourd'hui et on la voit parler de l'attitude, en fait, l'attitude de nos enfants en tant que nous qui partageons la parole de Dieu. Donc, si nous avons des enfants qui ne se comportent pas bien, nous n'avons même pas le droit de. C'est-à-dire de tenir la parole pour pouvoir peut-être encourager. Qui disait ça? C'était dans un enseignement que vous avez. C'est moi qui ai dit que si un enfant bavard, on n'a pas le droit de prendre la parole pour le corriger. Non, pas ça. J'ai dit qu'au niveau de l'assemblée, ça dit que exhorter par exemple quelqu'un. Est-ce que quelqu'un, par exemple, s'il a des enfants qui ont eu des égards de comportement, par exemple, les erreurs de comportement, c'est comment? Quand tu as les mots que tu as égards en français, n'essaie pas d'arranger en français. Dis des choses qu'il faut dire. Ça dit, je prends mon cas. Oui. Moi, par exemple, j'ai une fille, par exemple. Oui. Qui a accouché à la maison, par exemple. Accouché à la maison, comment? Elle a fait la maternité. Elle a fait un enfant. Non, non, non, elle fait comme ça. Elle ne fabrique pas les enfants. Dis, elle a commis le péché. Elle vit dans la débauche. Elle a fait comme ça. C'est le mot là-bas, frère. Elle a commis. Elle fabrique des enfants. Elle a commis le péché. Oui. À la maison. Oui. Bon, moi, par exemple. Oui. Est-ce que j'ai encore qualité, oui, puisque j'ai le devoir selon la Bible d'éduquer mes enfants, oui, c'est-à-dire de bien éduquer d'abord mes enfants à la maison. Et là, voilà une bonne éducation que tu lui as donnée, par exemple. Par exemple, une bonne éducation. Voilà, bon, une bonne éducation. Oui. Est-ce que j'ai encore qualité de pouvoir exhorter quelqu'un, ou bien je sais pas, ou bien de pouvoir dire. Quand tu écoutes cet enseignement-là, de quoi est-ce qu'il parle et pourquoi j'ai dit ça concrètement? Et j'ai dit que c'est la Bible qui le dit. Bon, c'est vrai que ça parlait également des conditions pour être. Des conditions pour être évêque ou ancien. Voilà, voilà. Et donc là, tu es ancien. Non. Ça ne te concerne pas. Donc tu entends tes dérives, tu continues à aller la corriger. Si tu ne parles pas corriger, tu te corriges. C'est donc pour cela, prends Proverbe chapitre 1. Donc, quand vous prenez quelque chose, prenez exactement tel que j'ai dit. L'Éternel dit que tout pasteur et dirigeant de la Bible, dont les enfants vivent dans le désordre comme ça, sont disqualifiés pour enseigner. C'est ce qu'il t'en dit, c'est ce que la Bible enseigne. On dit que pour que quelqu'un soit, quoi, soit évêque, soit conducteur, soit ancien, que ses enfants ne soient même pas accusés de débauche. C'est pas ça, cher. Verset 8 là, et 9. Chapitre 1. Écoute, mon fils, l'instruction de ton père. Oui. Et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. Oui. Car c'est une couronne de grâce pour ta tête. Oui. Et une parure pour ton cou. Là, nous, on a un problème. Voici un problème qui se trouve là en milieu. Si vous prenez ces versets-ci particulièrement. Vous trouvez ici, à un endroit où le Saint-Esprit a envie de donner quoi? Des instructions à un enfant. Parce qu'il parle à son fils. Il s'adresse à un fils. Il dit, écoute, mon fils. Donc, il a de le conseiller. Écoute mon fils, l'instruction de et ne rejette pas l'enseignement. Amen. Si on s'arrête là, ça suppose que cette invitation au fils d'écouter et l'instruction de son père et l'enseignement de sa mère veut dire automatiquement que le papa doit avoir l'instruction de Dieu pour donner à cet enfant-ci et la maman doit avoir le bon enseignement pour donner à cet enfant-ci. Ce n'est pas n'importe quel enseignement, n'importe quelle instruction que le papa va donner. Vous voyez cela, n'est-ce pas? C'est pour cela qu'il se tourne maintenant par la suite. Il dit maintenant, enfant, obéissez à votre parent selon le Seigneur. Bon, maintenant, un papa qui dit ceci, qui n'est pas chrétien, qui ne connaît même pas les enseignements bibliques, quelle instruction va donner à son fils? Bagarre et boire la bière. Donc, ça veut dire que ce verset, ça veut dire au père que profinez vos instructions à la lumière de la parole de Dieu. À la femme que gardez le sceau de l'esprit dans votre cœur. Comme il a déjà dit qu'on purifie le cœur là pour avoir un esprit doux et paisible là-bas. Et puis, le Nouveau Testament va amplifier en disant que qu'elle enseigne aux jeunes femmes comment aimer leur mari, garder leur domicile, où est-ce là, n'est-ce pas, avant que la parole ne soit pas blasphémée. Donc, elle doit connaître l'enseignement chrétien. Un foyer équilibré ainsi. Des questions, frère? Bon, et dans le cas où ça a été fait, c'est-à-dire l'éducation a été vraiment transmise aux enfants selon la parole de Dieu. Oui. Et que, par la suite, c'est. L'incident arrive. C'est-à-dire que l'enfant a ce contact. Assez? C'est que ton rôle est terminé. Il n'a pas dit que faites cette instruction pour que l'enfant ne pêche pas. Il n'y a pas un verset comme ça dans la Bible. Il a promis que quand il va être vieux, il ne s'en détournera pas. C'est sa promesse. Donc, quand tu vas finir, fais ce qui est à part. Laisse Dieu faire. Vous ne pouvez pas coudre un caleçon avec le clé, si ça vous gardez la clé. C'est qu'on va faire les doubles. Des questions? Des questions? Y a-t-il des questions, frère? Oui. Frère, je veux savoir qui a combien d'accords. Comment? Qui a combien d'accords? Non, pour savoir combien d'accords il y en a, d'abord il faut d'abord connaître combien d'anges il y a. Combien d'anges il y en a? Il y en a plusieurs. Comme par exemple, plusieurs c'est un chiffre, frère. C'est qu'il y a plusieurs accords, certainement. Il y en a plusieurs accords, c'est pas vrai, frère? Oui. Un ami témoin de Jéhovah. Non, c'est simple. Non, je te voyais venir, t'inquiète pas. Il a dit qu'il y en a qu'un. En disant quoi? Qu'est-ce que la Bible dit? Quand il t'a dit ça, il t'a convaincu? Non, il m'a dit que quand je n'ai pas oublié. Dans la Bible. Oui. Est toujours utilisé. Pourquoi? Donc comment on a utilisé à quand dans la Bible se référant à qui? Comme l'ange Michael. On a parlé de Michael combien de fois dans la Bible? Hein, mon frère? Combien de fois, frère? Plusieurs fois toujours, parce que même Dieu c'est plusieurs fois, n'est-ce pas? Bon, maintenant on a d'utiliser à quand sur Michael. Si on a utilisé Michael, on parle de pluriel, ça va faire combien de Michael? Tiens-toi debout. Tu connais le chef d'état-major du Cameroun, de l'armée camerounaise? Tu connais l'ancien chef d'état-major au moins? Qui connaît? Il s'appelle le général Semenge, n'est-ce pas, frère? Ah, le chef de l'état-major du Cameroun. Combien de généraux il y en a au Cameroun? Comment? Il y a au moins 30 maintenant. Il y a combien? Il y a un seul, pas vrai? Oui. Parce que chaque fois qu'on parle de Semenge, on dit général, c'est au singulier. D'accord, frère? C'est pour ça, c'est pour cela qu'il y a un seul général au Cameroun. On va lui dire ça aussi. Des questions? Donc, comme on dit, le général Semenge, chaque fois qu'on dit le général Semenge, sache que ça veut dire qu'au Cameroun, il n'y a qu'un seul général. C'est le général des armées là-bas, n'est-ce pas? Et que parce que chaque fois que la Bible est utilisée, l'archange, on va parler de l'archange Michael, on va dire les archanges Michael. Posez des questions. C'est ce qui est écrit dans leur livre concernant réellement la Bible à la page 218. Lorsque j'en ai parlé maintenant, qui est celui-là qui descend dans 1 Thessaloniciens chapitre 4 en disant que Jésus est le nôtre nom de Michael. Et après, il se pose la question, quelle conclusion nous amène à cette étude? Il parle, il dit, certaines personnes ont plusieurs noms dans la Bible. Ce qui est vrai, par exemple, l'apôtre, quoi, ils disent, Israël, c'est un autre nom de Jacob. Ce qui est vrai. Simon est un autre nom de Pierre. De la même façon, Jésus est l'autre nom de Michael. Là, quand il cite pour Jacob, on met effectivement Genèse où on a changé son nom. Quand il cite pour Pierre, on amène encore là où on a cité, on a changé de nom. Mais quand il parle pour Jésus, il prend maintenant les considérations qui ont amené à cette conclusion des études. Il dit que le type a quand il dit chef des anges. Et chaque fois que la Bible parle de ses rapporteurs à Michael, il parle de ça au singulier. D'accord? Et le mot Michel veut dire celui qui semble à l'éternel. Donc c'était conclusion, Jésus est le nom que Michael est le nom qu'il avait quand il était au ciel. Voilà la conclusion. Daniel chapitre 10. Daniel chapitre 10. Posez toutes vos questions. Tu y es déjà, il a retrouvé. Chapitre 10 de Daniel, tu y es. Hein? Tu n'as pas encore, on devait lire maintenant. Allons-y, mon frère, versets 12 et 13. Allons-y. Il me dit, Daniel, ne crains rien, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues, et c'est à cause de tes paroles que je viens. Le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours. Mais voici Michael, l'un des principaux chefs. Stop. Michael est quoi? L'un des principaux chefs. Dorante lui dit que chaque fois que Michael parlait, Michael est l'un des principaux chefs. Michael n'est pas le principal chef. Michael est l'un des principaux chefs. Parce que Semenge est l'un des généraux du Cameroun. D'accord? Mais si on veut parler de général Semenge, on peut dire les généraux Semenge. Voilà. Des questions? Comment comprendre dans 1 Timothée 1, lorsque Paul dit que le Seigneur est venu dans le monde pour sauver les pécheurs dont il est le premier. Oui. Il se considère qu'il est le plus grand pécheur. C'est ce qu'on appelle l'humilité apostolique. Oui. D'accord. Avant qu'il ne soit, quand Jésus est venu dans le monde, avant qu'il ne vienne, il n'y avait pas de pécheur avant lui. C'est pour lui dire qu'il considère son péché comme étant grave. Et l'amour et la grâce de Dieu pour lui comme étant vraiment immense. Des questions? Oui. Oui, Romains 10, c'est quand même pour comprendre que Christ est la fin de la loi. Oui. La justification de ceux qui croient. Pour la justification de ceux qui croient. Oui. Oui. Bon, ma question est, comment beaucoup de ces gens disent aujourd'hui que Christ est la fin de la loi pour la justification. Mais comment Dieu encore aujourd'hui que Christ n'est pas venu abolir la loi? C'est-à-dire que Christ est la fin de la loi. Et quand on dit le fin, ça veut dire que c'est aboli. Je ne comprends pas. Vous voyez comment vous êtes embrouillé là-dedans avec la Bible. Christ est la fin de la loi pour la justification de quiconque croit. Ça veut dire quoi, frère? Qu'est-ce que tu as de comprendre? Comme vous avez dit là. La lettre que vous avez dit là. Que ça veut dire que tu n'as pas compris alors. Des questions? Oui, mon cher. Oui, dans 1 Corinthiens 6, Paul parle de. Ne savez pas comment nous vivons les anges. Les anges, donc, les questions, et c'est Dieu que Paul parle dans le sens que si un an annonce un autre évangile, que l'histoire soit en appel, bon, si c'est fait pour lui, puisqu'il parle de juger les anges, je comprends pas. Il parle de messager. Bon, mais toi, tu vas aussi juger. Non, c'est pas ce que j'ai dit. Bon, la Paul a dit quoi? Que ne savez pas pour vous, pas que nous jugerons. Le nous, là, aimé pour qui? Il a parlé des. Ah oui, il a parlé des saints qui vont juger le monde. Oui. Et en fait, il a parlé que nous jugerons à plus forte, et lui, nous jugerons les anges. Oui. Et nous jugerons nous pas à plus forte devant l'esprit de cette fille. Bon, qui va juger des anges, frère? Soit comme toi, par exemple. Il faut d'abord que cela soit d'abord saint. Parce que tu dans le monde, tu devrais être saint. Toi, tu es saint ou tu n'es pas saint? Je suis dans le processus, frère. Comment? Dans le processus. Tu as le processus d'être saint. Nous sommes dans le processus. Mais tu es dans ceux qui sont appelés à être sanctifiés. Non, c'est ceux qui sont saints déjà qui vont. Non, non, donc toi tu es appelé à être saint. Donc appelé à être saint. Oui, que la grâce et la paix vous soient données de la part du Seigneur Jésus-Christ, n'est-ce pas? C'est donc à toi que l'apôtre Paul a dit appelé, parce qu'il a dit Paul à l'église de Dieu qui est à Corinthe. À ceux qui sont saints, il y a ceux qui sont appelés à être saints. Donc tu es dans le groupe d'appeler à ceux qui sont. appelé à être saints. L'artisan aussi dit que ce que Dieu veut te voir, c'est sa donc c'est aussi dans un processus. Donc tu es thessalonicien. Ok. Tes questions? Oui, mon cher. Oui, frère, je vais lire dans deux passages avant de poser ma question. Dans Genèse chapitre 22, le verset. Tu vas aller à haute voix. Dans Genèse chapitre 22, oui. Le verset 17, oui. Il dit: je te bénirai et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Oui. Et ta postérité possédera les portes de ses ennemis. Oui. La même chose est répétée dans. Ah, Isaac, cette fois-ci, oui. Dans Genèse chapitre 24. Oui. Où on parle à. À Rebecca. Oui. Mm-hmm. Il dit le verset 60. Il bénit. Et là, ce n'est pas un prophète qui est en train de parler, n'est-ce pas? Oui. Qui est en train de parler? C'est l'oncle du. Il faut regarder bien qui bénit. Parce qu'il faut regarder. Ici, c'est Dieu qui parlait dans le chapitre 22, il parlait directement à Abraham. Là-bas, concernant Rebecca, Rebecca, on parle comme ça, loin là-bas chez elle, mm-hmm. avant que Rebecca ne vienne voir son mari. Alors, qui en est de parler ça à Rebecca? Donc, c'est sa famille. Voilà. Donc, ça veut dire ses parents qui ont dit ça. Mm-hmm. Maintenant, le site, c'est que les parents ont dit. Les parents disent: il bénit Rebecca et il lui dit. Oh notre sœur, puisses-tu devenir des milliers de myriades et que ta postérité possède la porte de ses ennemis. Pour parler de la Bible, pose la question. J'espère que tu auras une bonne question. Tu poses une bonne question, donne une bonne réponse. Je voulais comprendre que ta postérité possède comment? Possède la porte de ses ennemis, c'est ce que je veux comprendre. C'est-à-dire que tu pars, tu regardes tous ceux qui t'ont. Quand tu vois par exemple le sorcier de ta famille, tu vois la maison où ils ont bâti. Tu pars là-bas, tu dis, sors de cette maison-ci. Ça m'appartient. C'est pas ça, frère. Proverbe chapitre 16. Lui-même, il croit à gratter la tête, il comprend que ça ne va pas. Proverbe chapitre 16, vous y êtes. L'une verset 7, mon frère. Quand l'Éternel approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement à son égard même ses ennemis. Mmh. Tu as vu ça, frère? Oui, frère. C'est ça dont il est question. Ils te feront la guerre et ne te vaincront pas. Donc l'ennemi est au service de tout ce qui va t'arriver et à ta postérité. C'est pour ça qu'il dit chaque fois que Satan est le premier serviteur du Seigneur. Il ne sait pas qu'il est au service de la postérité. Des questions? Oui. J'espère que tu vas poser de la bonne façon. Tu poses la bonne, tu as de bonnes questions. Mais tu joues, je joue. La question que je dois poser, c'est oui. Dans 1 Corinthiens 1, à partir du verset 1. Oui. Paul, appelé à être apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, et le frère Sosthène. Oui. Le frère Sosthène. Oui, c'est ça mon problème. Il a fait quoi? Pourquoi il s'est retrouvé dans? Donc, c'est par sa volonté aussi. Qui a fait quoi? Pour devenir apôtre? Non. C'est pas ce qu'il a dit. Il a dit que les auteurs de cette lettre, c'est Paul, apôtre. Paul est apôtre appelé par Dieu. Mm-hmm. Et l'autre auteur, c'est Sosthène, le frère. C'est ce qu'il a dit. Sosthène, là, dans la Bible, on ne le voit pas. C'est un frère. Timothée aussi, c'est un frère. Comme lui. Alors, au chapitre 2, dans 2 Corinthiens. Lis le verset 1. Il dit Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu. Et le frère Timothée. Tu as vu maintenant, au moins Timothée, tu connais ou non? Oui. Mais Timothée, c'est un frère comme Sosthène, c'est un frère. Pourquoi tu veux le connaître? Non, parce que pour Timothée, c'est là devant, tu te retrouves Timothée, comment t'adresse à Timothée? Mais elle est obligée de parler partout. Est-ce que tous les livres ont été retenus? Quand on parle du frère Sosthène, je ne comprends pas réellement. Attends, tu cherches quoi au juste? Le frère Sosthène. Ce nom-là m'échappe beaucoup. Pourquoi tu m'en retrouves seulement au niveau de Paul, appelé frère Sosthène, c'est tout? Vous avez des questions ici dehors. Tu vas voir ça quelque part. Parce que si on nous parle du tout, quand il y a beaucoup de. Il y a peut-être des auteurs, par exemple, comme vous retirez un nom. Oui. Peut-être au début, comme peut-être le frère Sosthène. Normalement, je dirais au moins c'est connaître son. Peut-être un témoignage de lui. De lui. Oui, comme peut-être. Pourquoi tu dis normalement? Tu as entendu parler de Gaius? Gaius? Oui. Oui. Tu connais son témoignage sur lui? Non. Je viens à Nicéphore. Voilà, tu as le connu à Nicéphore. Tu connais Zéna. Tu connais Zéna, le docteur de la loi. Bien la mère de Tite. Tu connais Tite. Tu as le témoignage sur Tite. Non, il n'y a pas de témoignage. Mais il y a Tite là-bas aussi. Il y a aussi des autres Tite. Donc, tu veux connaître quoi sur eux? Non, je demande parce que c'est par rapport à cette phrase-là. Oui. Qui m'échappe beaucoup. Mais non, je dis, hein. Oui. Il a écrit, il a dit. Tu ne voulais pas qu'il le cite. C'est ça le cas. Pourquoi il l'a cité? Pourquoi il n'a pas cité d'autres? Mais il a cité parce qu'ils sont ensemble en train d'écrire la lettre. Dans le 2 Corinthiens, cette fois-ci, il écrit avec Timothée. Il a écrit avec Sosthène et il a envoyé, c'est Timothée qui allait donner. Mm-hmm. Et là-bas, il a écrit, c'est avec Timothée qu'il a écrit. Quel est le problème au juste? Ton problème, c'est que, enfin, de toute façon, je vais t'accuser devant l'apôtre Paul. Des questions? Donc, j'écris par exemple, il envoie une lettre à Yaoundé, il dit que je vous envoie le frère Donatien. Et puis, il commence à donner les instructions. Les instructions. On dit que, mais tu lis un jour, tu dis Donatien, il vient faire quoi ici? Oui, quelqu'un a levé la main là-bas. Oui, mon cher. Dans Matthieu 15, verset 24, Jésus dit, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Oui. Tu n'as pas bien compris. Lis à haute voix. Allons-y. Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Qu'est-ce que tu comprends? En fait, c'est parce que c'est une femme cananéenne qui... Donc sa fille est malade uh-huh. Et elle a besoin du Seigneur. Qu'est-ce que les musulmans disent par rapport à ça? Les musulmans disent que Mahomet devait sauver le reste. Parce que Jésus est venu seulement pour Israël. C'est là le problème, non? Et quand les musulmans te disent ça, tu ne parles plus à parler, non? Hein? Donc il y a un enseignement concernant cela. D'accord, il y a un enseignement spécifique concernant ces passages-là et bien d'autres pour les deux missions du Seigneur Jésus. La double mission. Des questions? S'il n'y a pas de questions, moi je vous en pose maintenant. Oui, frère. Oui, je n'ai pas de verset en tête, mais je vais savoir. Vous entendez là-bas. Hein? On dit que Jésus est le premier né. Oui. De la création, il est à l'image de Dieu. Oui. Donc, pourquoi est-ce qu'on dit que Dieu est le premier né de la création? Qui ça? Mais lui, c'est pas c'est tout le temps. Dans Colossiens. Chapitre 1. Verset 15. Lis. Oui, c'est ça. Il est l'image du Dieu invisible. Oui. Le premier né de toute la création. Pas de la création. D'accord, frère? Tu as compris? Il n'est pas le premier de la création, de toute la création. D'accord? Il est le premier. Il est le premier des frères. Premier des frères. Voici le peuple racheté, la nouvelle création. Il est le premier. C'est le type du premier. C'est avec lui qu'on a fait les répliques des autres. Ce n'est pas le premier né de toute la création, les bananes et autres. D'accord? Des questions? Donc rentre avec tes témoins là, tu dis que ce n'est pas ce que Sandré dit, d'accord? Des questions, posez des questions. S'il n'y a pas de questions, je vous en pose trois. Et je vous laisse avec les trois questions. Oui, mon cher. Oui, Jidas, tu as la question? Non. Tu exploites seulement pour les autres. Patani, pas de questions? Non. Pas ce soir. Donc, pas de questions. Donc, il peut continuer, il peut maintenant commencer l'enseignement. Oui. Mmh? Luc chapitre 17. Vous avez noté Genèse chapitre 6, 7 et 8. Vous notez. Philippiens 1, 2 et 3, vous notez également. Genèse chapitre 18 et 19, vous notez également. Et Luc 21, les versets 22 à 24. Luc 21, versets 22 à 24. Donc j'ai dit Luc chapitre 17, Genèse chapitre 6, 7 et 8, n'est-ce pas? Luc chapitre combien? 17. Non, il a cité cela. Luc 21, verset 22 à 24, Genèse chapitre 18 et 19. On va développer ça la prochaine fois pour l'enseignement concernant, d'accord? Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Prions. Souvenez-vous de prier pour le Cameroun, pour cette contestation là dont j'ai parlé la dernière fois. Oui. Quand l'apôtre Paul dit. Tu as vraiment eu la question, frère Rochidas. Quand l'apôtre Paul. Quand l'apôtre Paul dit ce sont les saints qui viennent juger les anges. Tu étais ici, toujours ici dans la maison. Tu as suivi la question qu'il a posée. Qu'est-ce qu'il a dit? Le frère, c'est qu'est-ce qu'il a dit comme question? Donc c'est même par rapport à lui qu'il est pour. Par rapport à ce qu'il a dit pour le coup. Il a posé quelques questions, frère. Quelle est la question que tu as posée, mon cher frère? Et dans 1 Corinthiens, c'est-à-dire que tu ne savais pas que nous jugerons les anges. Et nous jugerons pas à plus fort de l'effet de cette vie. Quand il dit que nous jugerons les anges, il a dit que de quels anges est-ce qu'on doit juger, puisque je ne comprenais pas comment on peut juger les anges. Il a parlé que ce sont les extraits. Quelle est la question que tu poses? C'est les extraits. La question c'est l'apôtre Paul parlait de quel ange? Et c'est la même question, n'est-ce pas? Oui. Donc tu vas te tenir là-bas, dire à Gabriel que dis-moi pourquoi tu es venu sur la terre. Hein? Vous savez qu'on a de lire les écrits de l'apôtre Paul, n'est-ce pas? Et les gens tirent sur la tête n'importe comment. L'apôtre Paul va se tenir devant le trône de Dieu et dire au prédicateur de ces siècles-ci que c'est pas ce que j'avais dit sur la terre. Et vont rendre de compte. Mais sur la tête, prions. Tendre Père, nous te sommes reconnaissants pour ta grâce et pour ta bienveillance. Merci Père pour tout ce que tu fais pour nous. Merci pour nos cœurs que tu as fermés. Je prie Père de gloire pour ceux-ci qui sont venus au Dieu de gloire sous ta direction aujourd'hui. Merci pour tout ce que tu as donné comme parole. D'exhortation sur nos cœurs, comme réponse et interrogation de notre âme. Je prie au Père de gloire que tu nous donnes d'être sérieux dans la parole, de marcher devant toi, dans une justice irrépréhensible que toi-même tu as désignée. Je prie au Père de gloire que tu consacres leur cœur à l'étude de ta parole et à la méditation, et que tu leur donnes chacun selon sa portion que tu as donnée, attribuée avant la fondation du monde. Je prie que tu nous donnes, Père de gloire, d'être sérieux avec toi, de marcher dans la voie que tu as tracée pour chacun de nous. que chacun, au Père de gloire, puisse user de tous les moyens que tu as mis à sa disposition pour pouvoir te retrouver. Révèle-toi à chacun de nous ici, Père de gloire, afin que nous marchions selon ta voix, car qui oserait de lui-même marcher devant toi si tu ne l'avertis. Que toute la gloire te revienne au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Bonne soirée. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse.